Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast le plus animé de la galaxie. Je suis Grushkov, le capitaine de ce fringant vaisseau et je serai accompagné aujourd'hui de Tuki. Bonsoir. Matt. Salut. Adrien. Salut. Et Funeli. Salut, salut tout le monde. Comment ça va tout le monde? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein. Vous m'avez manqué. Comment ça va? Oui, comment ça va tout le monde qui est en live là? Oui, parce que on vous entend pas. Ouais, on vous entend pas. Criez plus fort. Si vous écoutez l'épisode en replay, c'est à la base un live qu'on organise sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Oui. On met tout le lien est toujours dans les descriptions. Sur YouTube. Donc, beaucoup de monde se demande quel est le meilleur Star Wars. Est-ce que c'est l'épisode 5, le 3, le Holiday Special? Tout le monde sait que c'est le 8, mais bon, c'est pas grave. Tout le monde a un avis et personne n'aime que les autres ne soient pas d'accord. Mais si on prend le temps de s'éloigner de tout ce qui est live action, là, eh bien, on trouve du très bon Star Wars dans les séries animées. De la première saison de Résistance à la dernière saison de The Clone Wars, on a beaucoup parlé des qualités de ces séries, mais aujourd'hui on s'attaque à notre série animée Star Wars préférée, enfin je crois, pour tout le monde ici. Oui, oui. Oh, bien sûr. Ouais, carrément. C'est Star Wars Rebels. Qu'est-ce que c'est Star Wars Rebels, mon cher Matt, qui n'est absolument pas prêt, mais je suis désolé. Je suis obligé. Ouais, tout le temps obligé de te fixer. Sous les roues du camion en direct. Hein. Ouais, comme d'habitude. Pas de temps. Au bout de 7 minutes, boum. Star Wars Rebels, eh ben, c'est une série animée. Tu vas le croire, hein, mais c'est une série animée développée par Lucasfilm Animation, donc. Et c'est le premier gros projet de la période de Disney, en fait. C'est le moment du rachat. C'est le premier truc qui a été mis en chantier. Avant les films, avant vraiment l'épisode 7, ils sont lancés là-dessus. Faut savoir que Clone Wars a été diffusé sur Cartoon Network, de mémoire, à l'époque. Du coup, ça plaisait moins à Disney, faut avouer, quoi. Diffusé sur la chaîne concurrente, et du coup, en 2013, le 11 mars, ils ont dit on arrête Clone Wars. Voilà. Et le 20 mai 2013, ils ont dit ah, au fait, on va faire autre chose. Donc vraiment, ils n'ont pas réfléchi. Enfin, ils ont réfléchi un petit peu, mais ça s'est fait quand même très très vite. Et c'est une série qui est créée alors, par trois personnes. On a Simon Kinberg, Carrie Beck, et le troisième, je pense que vous le connaissez peut-être, c'est un certain Filoni. Je ne sais pas, franchement, il ne dit rien, ce mec Dave Filoni. Je crois qu'il a bossé sur Avatar. PTDR, t'es qui? Ah, mais c'est peut-être ça, quoi. C'est peut-être ça. Alors, lui, forcément, voilà, je connais pas ce mec, mais Simon Kinberg, je ne le connaissais pas non plus avant, mais c'est quelqu'un qui est producteur, qui est, enfin, producer en anglais, c'est pas tout à fait le même rôle qu'en français pour producteur, mais voilà, il est producteur, il est aussi auteur, et il a travaillé notamment sur des choses formidables comme Mr. et Mrs. Smith. X-Men Dark Phoenix. Ah oui, quand tu m'as dit que ce serait super long, c'est parce que tu as sorti la biographie de tout le monde. Je fais tout. Mais voilà, mais il a bossé pour plein de trucs. Et par contre, sur le coup, pour Rebels, il est vraiment là uniquement en tant que créateur. Il a pas vraiment écrit d'épisodes. Plus intéressant, par contre, c'est Carrie Beck. On va reparler juste après parce qu'elle a l'origine en fait de la série, du pitch de la série. Elle, c'est quelqu'un qui a toujours bossé vraiment quasiment dans le giron de Disney. Et c'est quelqu'un qu'on va retrouver alors après sur Résistance, mais avant ça sur les Freemakers. Sur, ouais, ce qui sur est les super, une petite série toute petite sympa. Voilà. Qui est disponible sur Disney+ maintenant en deux saisons. Voilà. Exactement. Voilà, qu'on peut retrouver sur Disney+. Alors voilà, donc il y a ces trois personnes vraiment qui ont développé le concept, et derrière on a 13 scénaristes qui sont relayés pour tout ça, des mecs qui ont bossé sur les Animaniacs, sur la série Hercule, enfin ça pioche vraiment très loin, même quelqu'un qui a bossé sur Mortal Kombat Annihilation, voilà, ça brasse large, quoi, simplement, mais aussi forcément du bon monde dans tout ça. La série, est-ce qu'on résume rapidement la série maintenant? Voilà. Le concept. Tu peux donner le pitch, mon petit chéri. Pitch. Voilà. Oui. Bah, on suit une. Ça se déroule déjà 5 ans avant Un Nouvel Espoir. Et ça se concentre trois, sur. 5 et 3 ans après Solo. Et donc 15 ans après l'épisode 3. Je suis très mauvais en calcul, je te laisse. Non, mais je fais exprès. Désolé. Mais on suit en fait un petit groupe de... On peut dire rebelles, mais pas dans le sens la rébellion. Au début, hein, c'est vraiment un groupe de... pas non plus de malfrats, on peut pas dire ça comme ça, mais de gens qui sont un petit peu, qui se rebellent contre l'Empire déjà à la base, on les suit dans leurs aventures, je me perds un petit peu dans mes notes, mais simplement, c'est être le début de la rébellion, parce qu'on va voir que ce petit groupe finalement va être à l'origine d'une des cellules rebelles qui formeront au final la rébellion par après, et la série s'arrête Rogue One, oui, effectivement, c'est bien ça. Avant Rogue One. Tout ce beau monde vit dans un vaisseau spatial qui s'appelle le Ghost, et voilà, on a plusieurs personnages sur lesquels on s'attardera ensuite, qui forment ce petit groupe. Qu'est-ce que je voulais préciser de plus? Je voulais dire aussi, c'est très centré autour de la planète Lothal. Voilà, c'est ça, ouais. Justement, je l'avais noté, effectivement, c'est-à-dire qu'on va avoir l'évolution de la rébellion. Pas de l'organisation de rébellion, mais de la rébellion au sens large, et tout ça en ayant un focus sur la planète Lothal. C'est vraiment là là-dessus qu'on va se concentrer, qui représentera un peu à l'échelle galactique ce que ça peut être, parce qu'il y a plein d'autres cellules qu'on ne voit pas dans la série et qui, pareil, on développe comme ça un esprit de rébellion vis-à-vis de l'Empire. Et en parallèle, on a tout le développement de l'Empire qui s'installe de plus en plus et qui est de plus en plus répressif. On va peut-être respirer un petit peu si quelqu'un a des choses à ajouter. Je vais pas enchaîner tout de suite sur le reste, mais j'ai plein de choses encore à dire. Peut-être par rapport à l'animation, la technique d'animation, elle est assez particulière. Oui. Parce que, c'est de l'animation 3D, hein, c'est pas du dessin, mais il y a quand même quelque chose d'assez volumineux. Je trouve dans la patte de couleurs, même tout ça, il y a vraiment quelque chose qui fait penser, moi qui m'a fait penser en tout cas, un peu à ce qu'on pouvait trouver du côté de la pâte à modeler en fait. C'est quelque chose qui est assez texturé en fait, si j'ose dire. Il y a un grain. Et il y a un grain, voilà, comme ça, il y a un grain, et c'est pas très détaillé. Je vois par exemple Ezra, donc le personnage principal dont on parlera un peu plus tard, on voit jamais ses ongles. C'est quelque chose d'assez drôle parce qu'il a des fois on voit ses mains tout ça, et il n'a pas d'ongles, donc vraiment c'est pas du tout détaillé, et il y a une direction artistique qui moi je suis absolument fan, hein, mais il y a beaucoup de gens qui voilà ne sont pas tellement l'aspect visuel pour le coup a été très travaillé. Vas-y, je comprends plus. J'allais dire, je connais quelqu'un qui voulait pas regarder la série à cause de l'aspect visuel, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai qu'au début, c'était même pour moi aussi, c'était assez difficile à faire passer, même si j'avais pas regardé The Clone Wars avant. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était vraiment très simpliste. Et au final, dans l'évolution, visuellement, ça évolue aussi. Je pense que les artistes développent aussi la façon dont ça s'exprime à l'écran, et vraiment, ça a rien à voir entre le début et la fin, je trouve. Ouais, et puis moi en fait j'avais pas vu grand chose de la série, mais j'avais surtout vu Ezra et je supportais pas ça trop. Je trouvais qu'il avait une tête à claque et du coup je voulais absolument pas regarder une série dont c'était le héros. Et ben en fait, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment lui le héros? Bah non, en fait c'est tout l'équipage, mais moi j'étais persuadée que c'était lui le perso principal et que c'était autour de lui. Je dis, oh. Puis au final, ben, j'adore tous les personnages. Ouais, ce que nous dit Floby One dans le chat, c'est que même pour The Clone Wars, il fallait aussi s'adapter. Et en fin de compte, ouais, je suis un peu d'accord, hein, parce que moi, je trouve que The Clone Wars, à titre personnel, au-delà du fait que je préfère Rebels pour son entièreté, je trouve The Clone Wars moins beau que Rebels dans sa direction. Ah ouais, moi, je le trouve plus dégueulasse aussi. Bah, la direction artistique est plus poussée sur Rebels. Ils ont chacun leur identité, donc c'est bien, c'est que tu vas pas regarder Rebels en croyant regarder un Clone Wars. C'est vraiment deux styles distincts. Et je pense que celui-là sur Rebels a été quand même plus travaillé. Il y a plein de choses. Hein. Filoni a longtemps, souvent insisté pendant la diffusion dans les interviews pour dire on sait vachement. Ah bah super, t'as coupé. Inspiré de Ralph McQuarrie, vachement. Beaucoup travaillé sur ces. T'as coupé quand je parlais? Non, c'est bon. Ça a repris. Non, je suis là. Je disais donc, Dave Filoni a beaucoup insisté sur le fait qu'il s'était énormément inspiré du travail de Ralph McQuarrie, donc c'est le principal concepteur artistique sur la trilogie, la première trilogie, notamment l'épisode 4. Il y avait masse de concepts qui n'avaient pas été utilisés ou pas totalement. eux, ils ont pris ça et ils se sont dit, OK, on va se baser là-dessus. Ça va être notre bible pour Rebels, pour la base de Rebels. C'est pour ça que finalement, le TAL ressemble beaucoup à certains concept art. Il y a des bâtiments, des objets, des vaisseaux, plein de choses, des droïdes, plein de choses sont basées sur les travaux de Macquarie qui n'ont pas forcément été utilisés ou pas à fond. Et ils sont même allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont développé, pour faciliter l'animation et pour garder un petit peu ce grain, ils ont développé des outils spéciaux pour Photoshop notamment, et des jeux de pinceaux qui répliquent le style de Macquarie pour vraiment garder ce même aspect, notamment pour tout ce qui va être background, etc. Ils ont essayé de travailler pour reproduire un petit peu le style de Macquarie dans la direction artistique de la série, quoi. Ils sont inspirés de Macquarie, un peu apparemment de Miyazaki. C'était un peu l'idée aussi. Je le perçois pas forcément toujours, mais il y a un peu de ça apparemment également. Et puis voilà, j'y pensais aussi, mais on va en parler. Mais Zeb derrière, c'est totalement basé sur le concept original de Chewbacca. C'est à quoi aurait pu ressembler Chewbacca avant que finalement il change d'avis. Mais voilà, ça aussi, pareil, c'est tiré directement de là. Et puis il y a plein de choses en regardant la série. Si à côté on a un bouquin avec les illustrations de Macquarie, on s'arrête et on voit, enfin, c'est la filiation est évidente, quoi. Il y a entre autres justement les armures des Mandaloriens qui sont affiliés à l'Empire. Mm-hmm. Armure blanche. Totalement, ouais. Oui, voilà, c'est totalement les concept art de Boba Fett ou du coup des Super Troopers. Ouais, j'ai pas le temps de récupérer les images là pour l'instant. Même simplement Vador, Dark Vador dans la série, parce qu'il, oui, il apparaît. Ils se sont basés sur les concept art de Vador plutôt que sur Vador tel qu'on le voit dans l'épisode 4. Il a un style beaucoup plus marqué. Le casque est assez différent, les proportions sont légèrement différentes. Les sabres laser, ils reproduisent pareil le style que l'on voit sur certains concept art avec une lame tige. c'est un peu une tige blanche avec un très léger aura autour. C'est vrai que... Mais ça, justement, au début, on regarde ça, on se dit, putain, c'est bizarre pour des sabres laser, ça fait un peu contrefaçon chinoise, c'est chelou, quoi. Et pourquoi ils ont fait ça? Sauf que derrière, si tu vois le concept art, tu fais, ah, ok, c'est ça, quoi. Alors, il me semble, je sais pas vous, mais que pour justement la finesse du sabre, à la fin de la série, c'est de plus en plus gros. Non, c'est pas impossible, je me souviens pas exactement. Mais c'est... Je sais plus, mais il y en a. Enfin, il y a eu beaucoup de râlage. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin que. De quoi? Il y a eu beaucoup de râlage par rapport à ça. Par rapport à l'aspect des sabres. Ouais, la taille des sabres. C'est pour me râler là-dessus parce que c'est vraiment pinaillé sur un style visuel. C'est pareil. Anakin dans The Clone Wars, il n'avait pas la même gueule qu'Anakin dans La Revanche des Sith. Et pour autant, c'est la même histoire, c'est le même personnage, et c'est le même univers, et c'est la même légende, le même mythe. Donc en fait, c'est pas intéressant de pinailler là-dessus, quoi. Dire si t'acceptes leur tronche, pourquoi t'accepterais pas les sabres laser, quoi. Puis en plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas une filiation pour le coup, quoi. Elle est même évidente. Si tu te dis fan de Star Wars, tu vois à quoi ça fait référence. Oui, non, mais c'est ça, mais. Enfin, ces petites batailles, justement, de design qui en fait ne veulent rien dire. C'est pareil, les gens qui s'énervent pour les armures mandaloriennes qu'on a vues dans The Mandalorian il y a une semaine, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans The Mandalorian. Hein. Justement, vu qu'on parle du début de la série et de la création, quand Sabine a été dévoilée, vrai, dans la communauté mandalorienne, il y a plein de gens qui ont chialé parce qu'ils trouvaient que elle fait trop féminine, elle n'a pas assez de plaques d'armure, parce qu'il y en avait plein qui s'attendaient à voir du gros mando viril badass, tu vois. Et bah, en fait, Sabine, elle est totalement badass et elle n'a pas besoin d'être une mando virile surarmée, quoi. Surtout que dans la première saison, l'armure est plutôt, enfin, sur des tons assez rouge-rose. Enfin, justement, ouais, ça a dû faire Je dis pas forcément surarmée, mais pour le coup, elle est un peu surarmée vu qu'elle est un peu spécialiste en explosifs et en armes. C'est souvent sa solution pour tout. On en parlera après. Ouais, on parle de Sabine parce que vraiment gros. Et je vais vous laisser en parler. Je vais juste terminer avec une petite anecdote, justement. Ce que je disais, c'est Carrie Beck qui a vraiment qui a amené l'idée, en fait. Elle a proposé comme ça, chez Cassefilm, l'idée d'un petit groupe qui corrigerait les torts, en fait, simplement. C'est parti comme ça. Et Filoni, il a rappelé un concept original qu'il avait eu pour Clone Wars. Donc, Clone Wars, à la base, il avait une autre idée de ce que finalement est devenu Clone Wars. Son idée, c'était d'avoir un petit nombre de personnages. qui serait basé dans un vaisseau de contrebande, un peu dans le genre du Faucon Millenium, et ça les impliquerait dans des histoires de marché noir, d'espionnage, des trucs comme ça, autour du conflit galactique pendant la guerre des clones. Il y avait donc prévu un maître Jedi et un Padawan, un contrebandier et sa petite amie, et un Gungan appelé Lunker. Oh, ça serait trop bien d'avoir un Gungan. Voilà, donc il avait eu cette idée, il avait abandonné parce que finalement Clone Wars c'est devenu un peu comment on appelle ça, une anthologie un petit peu quelque part de la guerre, enfin, voilà, des moments de guerre, des arcs tous distincts, et finalement voilà, bah, c'est ressorti et ils se sont tous dit, Jésus Lucasfilm, que c'était une super idée de faire un truc dans cet esprit là mais à l'époque de entre le 4, le 3 et le 4 quoi. Voilà. Et c'est comme ça que Rebels est né. Voilà, oh là là, magnifique. Un sacré résumé où en fait on a parlé plein de sujets qui étaient très très divers. Donc voilà, bonne soirée tout le monde. C'était super de discuter. En vrai, c'est avec cool vous. Parce qu'on a pas débordé sur ce qu'on devait dire après. Je suis très non, non, mais voilà, en fait, il y a plein de choses à dire. Alors j'ai essayé de réduire au maximum. J'avais dit à Grushkov que je mettrais moins 20 minutes, mais j'ai mis moins de 20 minutes. Je suis content. Ouais. Oui, oui, bravo. Et oui, on va donc, comme tu dis, c'est basé en fait sur une équipe de contrebande qui vit ses aventures à l'époque de l'Empire, du coup, au lieu de pendant la guerre des clones. Et donc la série commence non pas directement avec eux, parce qu'il y a un groupe qui existe déjà, mais avec celui qui deviendra donc le Padawan. C'est Ezra Bridger. Qui c'est Ezra Bridger? Alors c'est lui là que je montre à l'écran. C'est un petit brigand qui vit tout seul sur la planète Lothal, justement. Hein. Il y est né. Et truc très intéressant, c'est que il est né le jour de l'avènement de l'Empire. Le petit Ezra. Donc il est né le jour où dans l'épisode 3 Palpatine fait son discours. Ouais. Quoi. Il est à peu près un tout petit peu plus vieux que Luke et Leia, quoi. De quelques jours. Mm. Ah, je pensais qu'il avait le même âge. Bah non, parce que techniquement, ils sont pas nés exactement le même jour. Oui, oui, je viens de percuter en fait. Effectivement, ouais. Du coup, il vit tout seul parce que ses parents ont été capturés par l'Empire. Parce que qu'est-ce que c'était ses parents? En fait, c'était des petits rebelles, des petits rebellous qui faisaient des diffusions interdites. Et du coup, ils ont été capturés. Et donc, ce petit bonhomme, il vit tout seul et il vole des trucs pour survivre. Il diffusait des vidéos de flics pas floutées. C'est ça, c'est exactement ça. Ah bah je peux faire l'analogie bidon, mais c'est un peu, enfin, quelque part dans l'idée, c'est ça, ils faisaient pas grand chose de mal, ils avaient voilà, diffusé les trucs dans le net. Ils donnaient des informations et du coup ils ont été envoyés en prison pour ça, et aucune vie à faire avec la vraie vie, vu que c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais voilà, mais bon. Histoire de... qu'est-ce qui est spécial avec ce petit Ezra? Bah, c'est que il est sensible à la force et en plus il a beaucoup d'issues qu'il n'a pas résolu et ça va être un peu compliqué pour son pour, bah c'est un enfant qui a grandi tout seul, donc forcément oui, il part pas avec un il part pas avec des, comment dire, des, il y a pas beaucoup de je ne sais pas ce que je voulais dire, mais il part mal avec beaucoup. Hein. Voilà, il démarre mal dans la vie, c'est ça. Ouais. Voilà, ouais. C'est ça l'idée. Donc voilà, la première fois qu'il rencontre tout le monde, en fait, il essaye de piquer le même truc que eux. Tout le monde parle du reste du crew, hein, du Ghost. Le Ghost qui est la version Rebels du Faucon Millenium, mais en mieux. Moins vieux. En mieux. en moins vieux en plus. Ouais. Je veux dire, il a sa petite navette et tout, franchement. Ouais, là c'est difficile de... Il y a les chambres, il y a la petite déco par Sabine. Bah, déjà il vole. Ouais, c'est vrai. Déjà, il est en bon état, quoi. Et il y a le meilleur astromécano aussi. Aussi. Oh là ouais. Là. Alors. Mais oui, non, Ezra, c'est un personnage finalement assez intéressant. Et ce qui est cool, quelque part, parce que je sais pas si on va en parler après, mais finalement, ça reste une série pour enfants. Et je trouve ça intéressant d'avoir introduit la série, commencer la série par justement le focus sur un enfant, du coup, qui va grandir avec la série, qui va mûrir avec la série, en même temps que les enfants qui regardent vont mûrir aussi derrière. Bah, en plus, pour les enfants, en fait, y avait un truc que je reprochais à la première saison, mais en fait, c'est plus facile pour les enfants de tout genre de s'identifier à Ezra, parce que dès le début, ils crushent sur Sabine, et donc je pense que pour les jeunes, c'est assez facile de s'identifier à ça, quoi. N'est-ce pas, Adrien? Oui, ça, c'est pas difficile de crush sur Sabine. Ouais, c'est ce que je disais. Non, justement, je disais, c'est facile de s'identifier à lui parce qu'il crève. Oui, sur Sabine. Et puis, il a quoi? La première saison, il a 12 ans, un truc comme ça? Non, mais non, il a 14. En fait, il a ses 15 ans pendant la première saison. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est intéressant, Ezra, parce que vraiment, je crois que tu l'as dit tout à l'heure un petit peu, Matt, mais c'est Aladdin, quoi. C'est vraiment le gamin. Le gamin, il n'est pas non plus clochard, mais il a une maison, mais en fait, il vit vraiment. C'est Naruto, quoi. Et c'est drôle parce que vraiment, il est habillé pareil en plus. Non, mais il est habillé pareil en plus, tu vois, le haut orange, tout ça. Enfin, c'est vraiment le gosse qui est tout seul, qui vit tout seul et qui juste essaie de vivre, en fait. Et même de survivre, il vole à l'Empire, il n'hésite pas à faire des petits larcins par-ci par-là pour se nourrir. Et puis ce qu'on note, c'est qu'il aide aussi d'autres gens. Enfin, ouais, il a vu un mec se faire emmerder par des troopers, il est venu l'aider. Bon, il lui taxe de la bouffe au passage, mais il est aussi venu aider. Donc déjà, à la base, il part avec un sens moral qui est présent, quoi. Mais bien sûr, c'est que c'est un personnage. C'est un personnage qui en fait. Représente aussi l'innocence, tu vois, parce que tout ce qu'il peut faire de mal, voler ou quoi que ce soit, bah il le fait pas pour rien, et c'est pas quelqu'un c'est un gamin qui est mal élevé, en fait, qui est même pas du tout élevé, et ça le rend intéressant parce qu'il a quand même des valeurs, et tout au long de la série, hein, il y a vraiment un caractère development incroyable, sûrement des meilleurs de tout Star Wars. Et du coup, c'est super intéressant de voir à quel point il évolue avec le spectateur. Hein. C'est ça qui est rigolo, c'est que tu l'as dit, Grushkov, c'est une série pour enfants, mais en fin de compte, l'enfant va grandir. À la toute fin, c'est beaucoup plus dark qu'au début de la série. Quoi. Bah, c'est ça. Alors, je pense que le créneau visé, ça devait être les enfants autour de 12 ans, par là, au début, au lancement de la série. 10-12 ans, on va dire, je pense. Ouais. Et du coup, le personnage mûrit avec des enfants qui deviennent des pré-ados et ça marche. Je pense que ça marche très bien. Je pense que j'aurais kiffé voir ça quand j'étais gosse, quoi. Ouais, parce que là, t'as pas aimé du tout, quoi. C'est dommage. Non, là, je suis trop vieux pour un gamin comme série. C'est vraiment de la merde. mais ce qui est intéressant avec Ezra, effectivement, c'est non seulement son évolution, mais qu'en plus, son évolution, en fait. Elle est liée à tous les personnages qui l'entourent, en fait. Les gentils comme les méchants. Donc, on va voir un petit peu, mais voilà, déjà, on va parler des gentils. Sans eux, ils n'évolueraient pas. En fait, oui. Plus qu'un crew, ils sont traités comme une famille, en fait, avec justement, t'as le papa, qui est littéralement son maître en plus, hein, qui est l'ancien Jedi, qui est Kanan Jarrus, de son vrai nom Caleb Doom. Qui est-il? C'était un Padawan qui a survécu très jeune à l'Ordre 66 et qui a direct plongé dans les magouilles et des trucs comme ça. Et c'était pas facile, la vie après l'Ordre 66 pour lui. Et il a survécu tant bien que mal en cachant de plus en plus, en fait, le fait qu'il était un Jedi. Je le glisse là, j'en reparlerai sûrement après. Si vous avez aimé Rebels et que vous n'avez pas lu le bouquin Une Nouvelle Aube, n'hésitez pas à le faire. On a justement les débuts, mais un bout de la jeunesse de Kanan quand il rencontrera. Et justement, on voit qu'il vivote avec des petits métiers à la con, et il se cache en permanence. Et on retrouve un peu ce qu'on a pu voir au début de Fallen Order, par exemple, d'une certaine façon. C'est vraiment le mec qui fait des boulots de merde, planqué pour pas qu'on le repère, quoi. Est-ce qu'on voit dans ce roman, Matt, parce que je ne l'ai pas lu, est-ce qu'on voit le moment où, où en fait Hera trouve Chopper, parce que quand ils arrivent sur Ryloth, Chopper est super triste devant un vaisseau, et je me suis toujours demandé. Non, je n'ai pas de souvenir qu'il y ait Chopper dans le livre. Non, parce qu'il me semble qu'elle connaît Chopper depuis qu'elle est depuis la guerre des clones. Hein. Oui, oui, c'est ça, mais oui, effectivement. Il n'est pas évoqué dans le bouquin, c'est ce que je voulais dire. C'est ça que je trouvais dommage, qu'ils n'aient pas raconté cette histoire de comment elle trouve Chopper. Il y a des trucs à faire dessus. Mais pour Kanan, moi, si je puis me permettre de rajouter un petit peu mon savoir canonique, canonique. J'ai donc lu la première BD de Kanan. Moi, j'ai lu tout aussi. Pas du tout aussi. Kanan, le dernier Padawan. Oui, et vas-y. C'est vraiment cool de voir à quel point c'est un gosse qui a eu une vie de merde de A à Z. Déjà, il était dans une guerre qu'il comprenait pas tellement, parce qu'il était jeune, hein, Kanan, au début de... Ah oui, il a genre 10 ans. Hein. En fait, c'est ouf. Parce qu'il a l'air vieux, mais en fait... Il finit la série, il a pas 30 ans encore, hein, donc voilà, il faut remettre les choses dans son contexte. C'est un bébé encore. C'est un enfant, ouais. Et en fait, donc, c'est l'apprenti de Depa Bilaba, une Jedi qu'on peut voir rapidement dans le 2, je crois, et dans le 1 aussi. Très brièvement. Et dans la saison 7 de Clone Wars maintenant aussi. Ils ont fait la on le voit bébé. on voit Kanan bébé. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, je n'avais pas souvenir que les Padawan c'était si jeune. Alors peut-être qu'il a sauté des classes parce qu'il était très talentueux, je sais pas. Non, même pas, en plus, parce qu'il me semble qu'il a été pris un peu sur le tard, justement. Ah putain, Kanan. Il donc, croyait qu'il n'aurait pas de maître, et en fait, elle l'a choisi parce qu'il questionnait l'ordre. Il n'est pas resté longtemps. C'est Padawan. Ça, c'est que finalement... Oui, voilà, il n'est pas resté longtemps Padawan. En fait, justement, le fait qu'il ait questionné l'ordre, tout ça, c'est intéressant qu'il l'ait donné vraiment à Depa Bilaba, parce que, elle, de son côté, c'est pareil. C'est une Jedi qui, en fait, qui comprend à quel point la guerre des clones, c'est une cause perdue, à quel point ça ne vaut pas la peine. Et en fait, Kanan meurt... elle meurt juste après avoir dit à Kanan à quel point, en fait, les Jedi, ils font n'importe quoi. Ça devait être une pote à Qui-Gon. De quoi ? Ça devait être une pote à Qui-Gon, The World. Ouais, c'est possible. Ouais. Après, Qui-Gon, il avait un côté plus droitard, je pense. Mais elle... ça suffit. Elle, c'est vraiment, tu sais, la baba cool des Jedi, tu vois, je pense. Et de toute façon, elle est morte, alors on s'en fout. Oui, voilà, elle s'est tuée. Donc Kanan a expérimenté la mort de... Et je l'aime trop, cette Jedi. Ouais. Mais du coup, Kanan, ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, voilà, il va prendre un peu Ezra sous son aile dans la série, devenir son mentor, son maître Jedi, même au final. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore affaire, un Jedi justement infaillible et tout. Il a vraiment je perds mes mots ce soir, c'est compliqué. Il a rien fini, en fait. Il était encore tout petit quand il y a eu l'ordre 66. Il est insécure, il n'est pas à l'aise à l'idée d'avoir un padawan, il a peur de mal faire, il a peur de pas réussir, et tout le long, il a plein de questionnements et de doutes, et c'est cool d'avoir ce genre de personnage, cette figure paternelle, qui a quand même des failles, quoi, qui a quand même des trucs à régler elle-même. Quoi. Je suis un homme, mais j'ai aussi mes fêlures. Non, mais c'est bien d'avoir juste une figure paternelle qui n'est pas infaillible et qui n'est pas non plus un monolithe insensible. C'est vrai qu'on mais du coup pour le coup c'est une vraie figure paternelle, parce que justement c'est ça aussi d'être parent, c'est d'apprendre en apprenant aux autres aussi, de toujours évoluer et pas rester sur ses positions comme un con, et c'est ça qui l'apprend assez vite jusqu'à ce qu'il lui arrive un petit accident pour lequel Ezra en plus il se sent coupable, parce que c'est lui qui a fait confiance à Maul, justement on en parlait, il reste assez naïf en fait Ezra, et du coup il fait confiance aux gens qui lui donnent l'impression qu'ils vont l'aider en fait à pouvoir mieux protéger sa famille justement et des fois il fait confiance à n'importe qui. C'était même à des vieux mecs qui manquent la moitié, qui ont des jambes mécaniques. Ouais, non, mais il est vraiment naïf. Non, c'est clair. C'est bien, il a l'air gentil. Mais même après, il fait « T'es trop méchant, viens m'aider. » Ok, d'accord, parce que tu vas peut-être m'aider dans ta façon. Mais surtout, il a bon fond. Ça reste un personnage qui a vraiment bon fond tout le long. Quoi. Vas-y, Tuki. Oui. C'est pas de sa faute. Maul, il est ultra BG. C'est le même. Parles, je comprends, Marc. Oui, Maul, c'est un DILF. Bravo. Ça va être dit un jour dans le podcast, c'est fait. Oh putain. C'est canon, faut que Millennial maintenant. Mais du coup, Kanan aussi, c'est littéralement un DILF. Ouais, c'est vrai. Oui. Ah, oui. Mais est-ce que c'est pas un peu le principe de tous les personnages de cette série J'avoue. Genre, la plupart d'entre eux. Mais voilà, Kanan, il a son propre arc aussi à lui. En fait, c'est ça qui est intéressant avec tous les personnages, c'est que voilà, ils ont tous leur propre arc. Kanan, c'est celui des personnages principaux qui se renouvelle le plus, je pense, pendant les premières saisons. Hein, d'abord apprendre à se faire confiance à lui, puis à faire confiance à Ezra. Puis en fait à lâcher prise en fait en général et ça finit en fait par lui qui se sacrifie. Alors voilà, il y a un truc je crois que j'ai jamais eu l'occasion de le dire vraiment, mais en fait, et ce qui est super rigolo, c'est que quand ils partent à la mission sur c'est pas rigolo, je sais pas, c'est giga marrant, tu vas voir. Donc ils partent sur Malachor, c'est ça? C'est Malachor. Ils partent sur Malachor et le dernier truc qu'il dit à Hera, c'est on se reverra un jour, et bah il revient et en fait il peut plus voir, alors tu vois, c'est la giga teuf. Et justement dans ses derniers instants, alors qu'il est en train de sauver tout le monde et que bon bah il est sûr que c'est sûr qu'il va mourir, et ben en fait il se rend la vue et il tient sa promesse. Il avait dit qu'il se reverrait un jour et il le fait. Et voilà, c'est pour ça que c'est le meilleur Star Wars. Le laps de temps avant que ça fasse boom, il a réussi à exploiter le même pouvoir que Rey dans le film Maudit. Quoi. Ouais, bah oui, mais ou que, enfin, tu vois, tu peux dire comme bébé Yoda dans le Mandalorian, quoi. Oui, voilà, c'est mieux. C'est pas un nouveau truc et c'était rigolo de. Enfin, c'est trop marrant de voir ça. Et justement, à ce moment-là, en fait, dans toute la saison 4, il le sait qu'il va mourir, on sait qu'il va mourir, tout le monde le sait. On le savait avant la saison 1 qu'il allait mourir de toute façon, Kanan, donc voilà. Non! Et ben même. Même lui, il le sait. Je le refusais. Je le refusais tout le long. À moi, qu'est-ce que vous racontez? Et c'est marrant de voir. C'est vraiment comme Obi-Wan quand il arrive sur l'étoile de la mort. Quoi. À un moment, il sait. Mais bon, bah, je ressortirai pas de là. Il faut que je me sacrifie. Et ça, c'est vraiment le truc des maîtres Jedi. De tout le temps essayer de, tu sais, genre ah bah je vais mourir, mais en plus vous me regarderez mourir, bande de salauds. C'est typique des Jedi, c'est leur ego de merde, hein. Quoi qu'ils fassent, on peut pas s'en empêcher, les mecs. Et faut qu'ils fassent intéressant, regarde, j'arrête une explosion, machin. Et au final, en fait, non seulement il arrive à les sauver, mais grâce à lui, en fait, c'est la merde sur l'autel pour l'Empire, et du coup Mais surtout, il protège sa famille à ce moment-là aussi. Enfin... Oui, mais ouais, en plus de ça, ça sert encore pour une cause encore plus grande que protéger sa famille. Oui, quoi. Oui, c'est sûr, mais... Bon. Le pire, c'est quand tu sais, c'est de la faute de Price qui crève, et puis après, t'as Throne qui regarde Price et qui fait « C'était de la merde de l'avoir tué, t'es complètement conne. » Et là, t'es genre « Putain, s'il y avait eu Throne, il serait vivant. » C'est terrible. Throne, il était coincé dans un mauvais livre pendant ce temps-là, c'est pas de sa faute. est-ce que vous avez des choses à dire sur Kanan, tout le monde? J'ai beaucoup parlé déjà. Comment? J'ai beaucoup parlé déjà. Moi aussi, mais je vais peut-être rajouter un truc par rapport au fait qu'il devienne aveugle à la fin de la deuxième saison. T'en parlais tout à l'heure, Grushkov. C'est toujours cool. Moi, j'aime bien voir des personnages handicapés dans Star Wars. Même si, voilà, et j'en ai déjà parlé quelque part. On en a parlé tout à l'heure. Enfin, on en a parlé cette nuit avec Laïn. Oui, c'est ça. On en parlait en off, mais en fin de compte, le handicap de Kanan, il est exploité vraiment pendant 2-3 épisodes. Et après, en fait, c'est comme s'il n'était plus aveugle. À l'exception de quelques séquences qui, moi, enfin, c'est des séquences toutes connes, hein, mais c'est vraiment des trucs que moi, j'ai adoré. Je crois que c'est l'épisode où ils vont sur Geonosis. Et en gros, à un moment donné, Kanan, il s'assoit dans un truc de contrôle, il appuie sur des boutons, et donc il est aveugle, et pour voir les boutons, il touche les boutons avant. Mmh. Et ça, c'est un truc tout con qui revient pas à chaque fois, mais qui te montre que le personnage est aveugle, tu vois. Qui te montre qu'il est dans un environnement qu'il ne voit pas. Et j'aurais bien aimé qu'il développe un peu plus cet aspect du handicap, parce que voilà, Kanan est handicapé, et j'aurais beaucoup aimé de voir ça. Dans cette série, même si on le voit quand même un peu, mais voilà, j'aurais bien aimé pousser un peu plus la chose. Ouais. Et puis après, il se coupe les cheveux, et là, tu te souviens, oui, effectivement, il a fait. Ouais, voilà, quand tu coupes les cheveux, c'est grave. Mais c'est vrai, peut-être parce qu'en plus, ils le disent carrément. Hein. Il a dit, je peux même pas me voir. Et juste, on peut peut-être dire qu'il est interprété par l'acteur Freddie Prinze Jr. Ah oui, pardon, j'ai oublié de le dire à chaque fois, je voulais le dire, qui est très connu pour avoir été Freddy dans Scooby-Doo. Oui, et il est trop BG, j'aime trop, et il est marié à Sarah Michelle Gellar, Buffy, qui aura un petit rôle dans la série aussi. Ouais, on en parlera tout à l'heure de Buffy. Oui, oui, celle de la série, hein, pas... pas de... Ben voilà, super, merci. Ben c'est un classique, hein. un épisode sans mouchoir, c'est un épisode de Poucault Millenial. Mais j'ai eu des opérations du nez et tout, mais ça n'a jamais fonctionné. Pardon. Super. Ben, bienvenue dans Mouchoir Millenial. faut qu'on se mouche. Je suis dans Donc oui, il y a... Xenu, Ximnut, alors Ximnut n'est pas là ce soir parce qu'il a pas regardé Rebels, du coup il est puni. Voilà. S'il veut pas se faire spoiler, il faut pas qu'il soit là. Donc voilà, et Kanan, voilà, il est beaucoup un exemple à suivre pour Ezra, mais aussi ce qui est bien avec lui, c'est qu'il pousse Ezra à être sa propre personne et plus tard même Sabine quand il lui apprend à être. Oui, parce qu'il est aussi un mentor pour Sabine. Voilà. Ouais, j'allais en parler aussi. Bah, vas-y. D'ailleurs, je trouve ça. Non, bah, j'avais rien à dire spécialement de plus, mais je trouve ça aussi cool d'ailleurs que quand il aide Sabine avec le Dark Saber, non seulement lui, du coup, il se met en professeur pour elle, peu importe d'où elle vient, le fait qu'elle soit pas du tout Jedi et tout, mais en plus, j'aime bien le fait qu'il laisse aussi un peu Ezra prendre la place pour essayer d'aider Sabine aussi. Ouais. En fait, c'est rigolo parce que l'évolution de Kanan pendant la saison 3, enfin, un peu saison 2, beaucoup saison 3. Non, en fait, pas du tout saison 2, il n'y est pas dedans. Donc, saison 3, c'est principalement grâce au Bendu qui est un immense connard, mais on reviendra là-dessus après. Ni de gauche, ni de mais, droite. Mais oui, il apprend beaucoup de choses de la part de cette créature-là, et non, principalement aussi à apprendre qu'il y a des choses peut-être plus importantes que son ego et sa réussite en général, et que des fois, justement, quand tu as la force, ne pas voir les choses, ça peut être un cadeau, justement. C'est un peu ce qui est un problème par rapport à la représentation des personnes aveugles, mais qui marche super bien par rapport à Star Wars, quoi. Pas forcément, Grushkov, pas forcément. Parce qu'au contraire, tu peux faire un truc dans le délire qui voit autre chose, tu vois. Autrement. Ouais, mais tu sais, c'est toujours le trope du oh, ben ton handicap, c'est une force et tout. Et alors que, oui, non, mais bien sûr, mais ça, je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, dans cette série, là où j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est le fait que Kanan, il fasse pas les choses autrement que quand il est. que quand il était valide. C'est qu'il conduit des motos jets pareil. Il conduit, enfin, il tire à la tourelle pareil. Ouais, des fois, et tu en fait, dis, oh, mec. Mais c'est ça. Genre, à un moment donné, il s'arrête pour prendre quelqu'un en moto jet sur Lothal. Et en gros, quelqu'un monte derrière lui, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais ils vont se buter, changer de place, putain. Et tu vois, enfin, vraiment, des fois, je me suis dit, ouais, il voit autrement, d'accord, mais enfin. Il c'est devenu sa force. Okay, il voit dans la force, enfin, un peu comme Luke voit la cible dans l'épisode 4. Bon. Mais après, oui, ouais, c'est la cible aussi de scénario, oui, c'est sûr. Oui, oui, voilà, mais là, c'est un peu exagéré. Enfin, j'aurais préféré que vraiment il montre que Kanan a du mal, que c'est dur, mais en fait, qu'il arrive à surpasser ça, c'est très bien. C'est même un très beau message pour les millions, enfin, les millions, je sais pas, mais les milliers d'enfants qui ont des problèmes de vue, qui regardent Star Wars, qui voilà, ça aurait pu être formidable de voir à quel point un personnage aveugle arrive à ce point dans cet univers et il fait des choses et continue de vivre et tout ça. C'est une belle chose. Néanmoins, voilà, j'aurais préféré que Kanan ait plus de mal que ça. Alors, avant d'enchaîner avec les autres persos, je voulais juste. Merde. Enfin, excuse-moi, tu avais un truc à dire ? Non, j'allais dire en parlant de continuer de vivre. Ah, tu pourrais bousiller ta transition. Non, je vais juste. En enfoiré. Profiter juste du fait qu'on parle de Kanan pour dire qu'il est un peu le cœur du groupe, finalement, même si après il s'en sort bien sans lui. C'est quand même lui un peu le cœur de tout ça. Et au niveau des interactions, c'est assez intéressant de voir comment il interagit avec les différents personnages, justement, avec Zeb. Ça va être plutôt une relation de frère, quelque part. Ils sont plutôt Ezra et Zeb, c'est tout contre lui. C'est aussi un délire, ça, de là. Mais Kanan avec Sabine, pareil, même si finalement il y a un peu son mentor à un moment donné, il ne s'adresse pas à elle comme à Ezra. C'est encore une autre relation. On a vraiment un adulte qui parle à un ado, enfin plus, enfin, ou un jeune adulte. En tout cas, la relation est différente, je trouve ça intéressant. Avec Hera, forcément, c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment super intéressant de voir comment tout ça s'organise. Et forcément, on va en parler après, le thème de la famille, tout ça. Mais c'est au niveau des connexions, c'est un personnage qui est super intéressant. Il a une super personnalité aussi, je trouve. Oui. Vraiment un gars adorable. Ouais, une personnalité, oui. Et puis, je veux pas dire, mais il se transforme en espèce de dieu l'autre loup, alors... Oui, ça c'est aussi intéressant, c'est tout le passage avec les loups sur l'autel. Moi je l'ai pas vu comme ça, mais c'est ok, c'est intéressant comme interprétation. Ben ça reste une interprétation qui est assez valide aussi, vu que. Absolument, moi j'ai pas dit le contraire. Le temps et l'espace ne sont pas linéaires, mon cher Adrien. Exactement, et moi je pense que c'est pour ça qu'il sait que quand les loups disent son nom. Oh merde. Ça pue. Voilà. Quelque chose va arriver, quoi. Voilà. Et du coup, en parlant de continuer à survivre, il y a quelqu'un dont c'est beaucoup son histoire, en fait. C'est Zeb. Alors Zeb, comme tu l'as dit, Matt, il est basé sur... Alors Z, en français, d'ailleurs. Z en français, Karazed Aurelius. C'est littéralement la même chose, mais juste ils ont mis un D à la place du B, je sais pas pourquoi. Donc il est basé sur les concept art de Chewie. Mm-hmm. Et donc cette espèce-là s'appelle les Lasat maintenant. Et le truc, c'est que les Lasat, ils ont été génocidés. Et c'est une grosse partie du début de son arc, c'est d'apprendre à vivre en fait en étant ce qu'il croit être le dernier de son espèce. Surtout que très vite il rencontre quelqu'un de spécial, puisque c'est Kallus. Et Kallus, qu'est-ce qu'il faisait? Donc c'est un agent du BSI, on en a parlé hier, c'est le bureau de sécurité impériale, et il a participé au génocide. Bah, c'était même le mec qui gérait un peu tout ça, apparemment, de ce qui... Non, je crois pas. Hein. Il était gradé, mais je crois pas que c'était lui le plus haut gradé. Il a fui quelques-uns, puisqu'il s'est même approprié leurs armes, ou en tout cas la technologie d'une de leurs armes. Il se bat avec les mêmes armes que les Lasat. Oui, il a fait le colon après, mais c'est pas lui qui dirigeait l'opération. Oui, c'est pas lui qui dirigeait. Hein. C'est pas lui qui a... Au contraire, en fait, il en parle justement avec... avec Zeb dans la, oui, après. La grotte, la oui. fameuse grotte. On en reparlera, j'espère. On en reparlera parce que après on a tout un truc. En fait, ça va être très rapide sur les personnages principaux parce qu'en fait, toutes leurs évolutions, tous leurs thèmes, en fait, ils sont beaucoup reflétés par les méchants en fait de la série, en tout cas les antagonistes. Oui, c'est une série qui est entièrement basée sur les interactions entre les personnages. Voilà, pas, c'est ça. C'est un tout. Et donc voilà, c'est tout un truc sur Zeb d'apprendre déjà qu'il n'est pas tout seul, mais en plus, à un moment, il trouve, donc après avoir trouvé des membres de son espèce, en fait, ils lui apprennent que non, t'inquiète pas, on avait une issue de secours et il guide ces gens-là, les autres personnes de son espèce, vers une nouvelle planète, en fait, où ils fondent une nouvelle maison. Et c'est un des meilleurs épisodes, d'ailleurs, je trouve. Voilà. Les Jones of the Last Fête ? Ouais. Ah oui, bah pour sûr, c'est l'épisode qui a la meilleure musique. Oui, en plus. Mais c'est super cool parce que vraiment, quand j'avais vu la première saison, j'étais genre, ouais, bon, ils sont sympas, mais celui-là, c'est juste... En fait, c'est littéralement comme ils l'ont joué dans la version française, surtout dans la première saison. Hein, c'était genre, mais moi, il aime bien me battre. Parce que oui, il parle comme ça dans la version française. Pas du tout dans la VO, hein. Il a une voix normale, juste un peu grave. Mais non, en français, ils ont fait « bah oui, moi, j'aime bien me taper. » Et après, ils ont dû se dire « Oh merde, qu'est-ce qu'on a fait ?» D'ailleurs, t'as pas dit, mais ce qui est fun avec le fait qu'il emmène ce qu'il pense être les trois derniers survivants de sa planète sur une nouvelle planète, c'est qu'en fait, la planète, elle est pas du tout nouvelle, c'est leur planète d'origine. Oui. Et c'est ouais. juste qu'ils avaient tous, ils s'étaient tous dispersés dans la galaxie, et en fait, c'est de là d'où on vient, mais personne ne le savait à part ceux qui sont restés sur place. Du coup, ils découvrent que tout n'est pas perdu, parce qu'en fait, ils ont une planète, donc ils ont une maison, parce que c'était aussi le truc qu'il avait, comme son espèce, il pensait avoir disparu, il avait pas de maison, il avait pas d'appartenance, et en fait il découvre qu'il a tout ça. Bah, sa maison, c'était devenu le ghost, quoi. Ouais. Puis on y revient, mais à sa famille, c'était devenu l'équipage aussi. Enfin, c'est assez intéressant, tout ça, particule, quoi. Oui, c'est ça, et du coup, alors c'est un peu relou, enfin, ça dépend des moments, mais dans la première saison, il passe un peu la deuxième aussi. Il passe beaucoup de temps à se chamailler avec Ezra et Chopper. Après, c'est beaucoup plus contre Chopper, mais en même temps, c'est un peu mérité. Ouais. Mais ça, c'était un aspect que j'aimais pas trop. Et c'est comme Ezra qui a un crush sur Sabine. C'est genre après la saison, c'est bon, on abandonne un peu ces trucs-là qui sont pas forcément très intéressants. Après, c'est intéressant comme relation qu'il a avec Ezra, justement. Ouais, je suis d'accord avec toi, Matt. Au début, il fait des choses super graves, Zeb, pardon. Et genre, il abandonne Ezra dans un destroyer. Je l'ai pas vu. Pas au début. Il l'a vraiment vu comme un fouteur de merde. Il en voulait pas au début, mais enfin, je sais pas, la façon dont la relation évolue est intéressante. Parce qu'au final, après, il le voit vraiment comme pas comme un fils, pas paternel, mais un peu comme un oncle, justement, un neveu. Enfin, Il a évolué comme moi, en fait. Au début, il supportait pas Ezra en mode une seule tronche, en plus, sa personnalité, elle est à chier, c'est plus de tête à claque. Et puis à la fin, c'est genre, non, en fait, t'es vachement cool. Mais je pense qu'il y a cette idée de c'est un personnage bourru et il sait pas s'exprimer autrement qu'en te mettant une grosse tarte dans le dos. Ouais, ça, il le fait beaucoup. mais ouais, c'est intéressant. Et du coup, au début, donc, il apprend à. Enfin, il est très seul et il essaye encore d'accepter le fait qu'il est tout seul. Et en fait, il n'est pas tout seul. Et non seulement il n'est pas tout seul, mais en plus, eh ben, il va apprendre à pardonner en fait les actions des autres. Et ce serait bien que plus de Star Wars s'inspire de comment c'est traité par rapport à ça, parce que c'est un des trucs les plus satisfaisants en fait de la série. Hein. Alors que Zeb, c'est un peu celui qui est un peu en retrait par rapport au reste de l'équipage, quoi, pendant le long de la série. Même s'il a son moment à lui, voilà, il n'est pas au centre comme peuvent l'être Hera, Sabine, Kanan et Ezra, quoi. Enfin, je trouve. Non, oui, on est d'accord. Bah oui, bah voilà, encore. Le seul qui est un peu plus en retrait, c'est Chopper. Voilà, c'est ça. mais voilà, parmi les personnages qui sont beaucoup plus en avant et qui ont aussi des soucis avec leur peuple et leur planète, enfin leur famille. Ouais, c'est Sabine qui est donc. Je vais laisser Funeli présenter Sabine. Pourquoi t'as mis cette image ? Exprès. Non mais tout à l'heure je cherchais Sabine dans les images et ils m'ont proposé celle-là et je me suis dit putain c'est génial. Mais non. Évidemment ceux qui n'ont pas vu la série et qui voient en fait ce qui se passe là, c'est pas du tout Sabine, hein, mais c'est une Mandalorienne aussi. C'est ça Sabine. Alors par contre ça vient directement de Star Wars, ils l'ont mise avec sa coupe de cheveux la plus pourrie. Mais non, elle est bien. Dommage. Elles sont toutes c'est bien. C'est la moins bien. Bien. C'est la moins bien. Bon d'accord, mais elles sont toutes bien. Donc, celle-là, on dirait une aubergine. c'est elles sont bon, toutes bien, sauf celle-là. Yeah. Ouais, du coup, en vrai, Sabine, elle a quand même. Enfin, ça se voit pas au premier abord, parce qu'elle parle pas beaucoup de son passé pendant tout le début de la série, de mémoire, mais elle a vraiment une histoire hyper tragique, en fait. Mais ouais. Ça me fait trop rire, parce que c'est vraiment, tu sais, anime girl, quoi. Elle a 17 ans et elle a vécu 12 vies. C'est complètement... Enfin, je sais pas quel âge elle a, mais à un moment, je me dis, mais c'est pas possible, elle peut pas être si jeune. Elle a fait des armes pour l'Empire, elle a fait la guerre, enfin, c'est quoi ça, c'est quoi ça. En fait, ouais, c'est ça, c'est que... dans son clan, donc le clan Ren, au bout d'un moment, elle a décidé de s'engager à l'Académie impériale. Et à l'Académie impériale, elle y était en temps. Elle est devenue ingénieure et elle a développé une arme qui était supposée du coup permettre de faire l'ordre, quoi. Mais quand elle s'est rendue compte que l'Empire voulait utiliser les armes à des fins totalement dégueulasses, elle a fait bon bah ok, je me casse. Après, sauf que bah, le mal était déjà fait. Du coup, non seulement elle était traîtresse à l'Empire parce qu'elle s'est barrée, mais elle était aussi considérée comme une traîtresse par sa famille parce qu'elle a fait ça. Et du coup, bah, elle n'avait plus nulle part où aller. Et c'est de là qu'elle a décidé de continuer à se battre pour la liberté. Quoi. Attends, t'as oublié un truc. Il y a une autre étape, justement. Parce que c'est une Mandalorienne et du coup, elle a été aussi chasseuse de primes pendant un moment. Oui, c'est vrai. En plus, elle n'a pas été chasseuse de primes avec n'importe qui. Elle a été chasseuse de primes avec Ketsu. C'est le seul chip valide pour Sabine. Voilà. Et du coup, c'est chasseuse de primes entre grosses guillemets. Ouais, c'est ça. C'est son ami. Oui, donc comme Zimnut le dit dans le chat, j'allais dire la même chose. Genre, il y a des méthodes pas dégueulasses d'utiliser des armes. Là, on l'a pas dit, je crois, mais l'arme, en fait, c'est une arme qui est capable de cibler que les personnes qui portent des armures mandaloriennes, en fait. Du Beskar. Ouais, en fait, ça cible le Beskar et ça fait chauffer le Beskar tellement fort que ça désintègre dans un micro, ça vous donne une petite idée du truc. Mais par contre, voilà, il y a un truc qu'il faut vraiment vraiment pas zapper, c'est que aussi Sabine, c'est une artiste. Et oui. C'est vraiment une super artiste. D'ailleurs, ses graffitis et ses œuvres inspirent les gens partout dans la galaxie, inspirent la rébellion au point que c'est du coup ses œuvres qui inspirent le symbole des rebelles, comme d'ailleurs l'a soulevé Flobby One dans le chat. Du coup, c'est vraiment pas des conneries, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a aussi une petite anecdote marrante à propos de ça, c'est que ses graffitis et son style marchaient tellement bien que il y avait un officier genre de la propagande impériale qui a essayé de d'imiter le style de Sabine pour faire de la propagande impériale. Sauf que l'Empire, ils étaient genre ah non, c'est indécent et tout, et du coup le mec s'est fait virer. C'est dit dans quoi, ça? Dans le livre Star Wars Propaganda. Oh. Ce qui est intéressant, c'est que justement, enfin, on a plus tard Thrawn qui est un Ferudar et il a justement un bout de mur avec une œuvre de Sabine dessus. Dans Fanboy, c'est ouf. Mais justement, j'aime bien aussi le fait qu'elle s'exprime justement par ses œuvres d'une part, mais aussi sur ses armures, son armure, sur ses cheveux en l'occurrence. Moi, c'est. Je trouve ça intéressant. Ça pourrait être juste un gimmick visuel, mais en vrai, pour le personnage, ça rendit beaucoup, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment sa personnalité et le fait qu'elle change à la fois le design de son armure et voilà, même sa coupe de cheveux et tout. C'est vraiment un trait de sa personnalité et c'est pas un truc anodin, quoi. C'est rigolo parce que pour quelqu'un qui a autant de problèmes avec sa famille... elle reste très mandalorienne, la baston et tout comme sa mère et très artiste comme son père en fait. Et c'est, ouais, bah en fait, en même temps, c'est parce que elle a jamais choisi, tu vois, d'avoir cette séparation avec sa famille, tu vois. Ça lui est tombé dessus parce que elle a fait des trucs qui étaient pas pardonnables à ce moment-là. Mais par contre, justement, dans son développement de personnage, elle en vient à retrouver le Darksaber. Qui est la relique qui est là, symbole ouais. du leader de Mandalore. Et c'est avec ça qu'elle se sent enfin en fait de revenir pour voir son clan et pour se faire pardonner en fait et refaire les liens avec sa famille et botter les culs de ces sales collabos de clan Saxon qui travaillent avec l'Empire. Non, c'est des collabos de père en fils hein, quand même les Saxon, c'est un truc de ouf hein, c'est une affaire de famille. Je serais pas étonné d'en voir encore dans Mandalorian. Bruit de père en fils. C'est trop ça. Ils sont insupportables. Et d'ailleurs, on n'en a pas dit, mais le clan Vren, donc dans la saison 7 de Clone Wars, on les voit. Et en fait, ils font aussi partie de Death Watch, comme. Ouais, comme ils font partie de la. Mais ils font. La dernière fois. Ouais, c'est parce qu'ils font partie de la maison Vizsla, voilà. Qui est un peu la maison qui est la plus, on va dire, présente dans la Death Watch. Eux aussi, c'est des gros connards. Hein, et d'ailleurs, petit lien avec The Mandalorian, enfin, même gros lien, vu que c'est Sabine qui refile le Darksaber à Bo-Katan. Voilà. Ouais. Elle est même pas foutue de garder. D'ailleurs, l'arc de Sabine, je crois que c'est le plus gros lien qu'on a avec Clone Wars. Enfin, c'est le plus gros morceau qui fait la connexion avec Clone Wars, finalement, non? Avec Maul. Ouais. Pour le coup, y a un gros truc par rapport à. Justement, elle récupère le Darksaber dans la tanière de Maul. Sur Batomir, d'ailleurs, oui. Comme on a dit, il y a Bo-Katan et elle va finir par donner le Darksaber à Bo-Katan après avoir libéré une partie de Mandalore. Avant la Grande Purge, je suppose. Et justement, je me demandais, est-ce que vous pensez que dans la Grande Purge, ils ont réussi à réparer une de ces armes? Parce qu'ils les sabotent, hein, les armes que Sabine avait faites, mais elles sont utilisées dans la saison 4. Il y a un épisode... Ouais, c'est vrai qu'elles sont... Non, attends. Oui, ils s'en servent. De me rappeler de... Ouais, je sais, ils s'en servent, mais il me semble qu'après, justement, ils vont tous les détruire, non? Oui, ils les détruisent, mais je veux dire, ça se trouve, les plans, ils sont quelque part, ils peuvent les refaire. Hein. Non, parce qu'ils les ont... Non, ils ont fait... Ils ont les avoir supprimés des bases de données. Donc. Oui, ils ont fait. Normalement, dans un épisode, c'est clos, ça. Ouais. Après, bon, en soi, si l'Empire voulait vraiment faire la Grande Purge, ils n'avaient pas spécialement besoin de cette arme-là. Ils avaient juste... si tu tires avec un vaisseau... Ils venaient à plusieurs, déjà, et c'était bon... Les Mandaloriens, ils sont forts, mais ils sont pas nombreux. Ça, c'est aussi un truc. D'ailleurs, on va sur Mandalore, au début de la saison 4. Hein, l'endroit maudit, n'est-ce pas, Din Djarin? et c'est un désert. C'est déjà la merde, en fait. Hein, que... Ah oui. C'est pas étonnant que ça a été dur de la garder, la planète. À ce moment, si je me souviens bien, le Mandalore est sous protectorat entre guillemets impérial, quoi. Justement, c'est les Saxons qui sont les pantins de l'Empire. On a des mandos traîtres en armure blanche. Ouais, dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a un peu les protecteurs qui font un peu la médiation, on va dire, entre eux et les Mandaloriens. Ça, c'est génial aussi, ouais, tout ce truc-là des protecteurs. Rebels, c'est déjà une occupation de Mandalore, ouais, clairement. C'est un mec qui fait non, je veux pas vous rejoindre et tout. Et puis, du coup, tous ses potes crèvent et il revient, Fenro, là, le chef des protecteurs. Bon, bah, ils sont tous morts, alors je veux bien être avec vous. C'est bien. Mais du coup, on a encore un arc de pardon, là aussi. Hein. Ouais, mais il y en a beaucoup par rapport à ça. Et je dirais que c'est même. Enfin, c'est poussé. Enfin, c'est différent parce que là, c'est littéralement dans la famille aussi. C'est la famille de Sabine qui doit lui pardonner, mais elle aussi. Et après, tous les Mandaloriens qui doivent pardonner à Sabine, parce que bah, Sabine... elle se pardonne à elle-même aussi, là, en l'occurrence. Ouais. Mais il y a déjà d'ailleurs ce truc de Bo-Katan de respecter les gens, même malgré... malgré leur grosse connerie ou leur croyance, comme elle fait avec Dean, où en fait elle le respecte même si c'est un gros couillon, bah c'est pareil, même si elle aime pas du tout ce qu'a fait Sabine, bah elle pousse les autres à coopérer avec elle parce que bah elle voit que Sabine a réussi à changer, à corriger ses torts Oui, et je vraiment, respecte ton droit à la connerie. Non, mais littéralement, Bo-Katan dit que Sabine, genre, c'est vraiment une leader et qu'elle tient des meilleurs, quoi. Et qu'elle a de quoi inspirer tout le monde. Ouais. Et c'est par rapport à son entraînement au Darksaber. Et l'un des meilleurs épisodes de la série, je trouve. D'ailleurs, c'est le premier épisode où elle a son propre thème et on en a pas parlé jusque-là de la musique, mais en fait, la musique de Rebels, c'est très Star Wars basique. Et cet épisode m'a fait chialer. Et des fois, le mec, il dit bon, ben, tu sais quoi, là, je vais faire de la vraie musique comme j'ai envie. Et il va te faire un thème, donc comme on disait la musique dans l'épisode où Zeb il guide les Lassat jusqu'à leur planète. La musique, elle est complètement ouf. Et voilà. Elle aussi, elle finit par avoir son thème dans l'épisode où elle apprend à s'occuper à se battre avec le Darksaber. Et c'est un des seuls personnages de la série qui a un thème propre. Et il est super cool. Il revient après, donc c'est un vrai thème. Hein. Il revient dans le reste des saisons, mais voilà, ça apparaît que dans la troisième saison. Et ça, c'est un des trucs qui sont un peu embêtants dans la série. Donc, par exemple, le thème de Ezra, c'est juste une version tronquée du thème de Leia, par exemple. Du coup, ça marche bien, mais genre pour quelqu'un qui est habitué à écouter la musique de Star Wars comme moi, c'est genre ouais, ok, bon, c'est facile, quoi. T'as pas fait énormément d'efforts, et du coup, quand il fait des efforts, vraiment, ça se ressent comme l'épisode avec Sabine qui apprend à se battre. Putain, je l'ai déjà dit. Et donc, c'est une musique composée par Kevin Kiner, qui avait déjà fait les musiques de The Clone Wars, il me semble. Pas tout seul, il me semble qu'il était avec son frère. Avec son frère, des fois. Ouais, il me semble qu'il est avec son frère de temps en temps. Son frère dont je ne retrouve pas le nom. C'est Duncan, je crois. Ouais, peut-être, voilà, Duncan Kiner. Donc voilà, c'est incroyable. C'est, voilà, Sabine, elle est parfaite. Je l'aime trop, et j'ai vraiment... Enfin, c'est un personnage qui... En plus... Ouais, désolé de te couper la parole, je voulais dire, en plus elle fait partie des personnages qu'on voit dans l'épilogue. Ouais, mais ça on en parlera à la fin de l'épilogue, ouais, parce que c'est tout un truc, hein, l'épilogue. Ouais, logique. Moi j'aime bien me moquer de certains passages de l'épilogue dans le... C'est pas gentil. Quand on en parle, mais en vrai, il fonctionne toujours aussi bien. Je l'ai revu là avec les enfants la semaine dernière, je crois. Ouais, la semaine dernière. Et ça fait toujours genre... Ouais. Oui. Les larmes aux yeux, vraiment, l'épilogue, on en reparlera peut-être. Ouais. Tu sais, les enfants, ils sont en train de se marrer pour je sais plus quelle connerie. Oui, parce que à la fin, Sabine, elle fait une tapisserie, là. Elle fait un dessin du crew sur le mur et la tête de Zeb dessus faisait marrer mes enfants. Et moi, j'étais en train de pleurer, tu sais, genre... Arrêtez de rigoler. J'étais pareil, moi, genre, je pleurais depuis la mort de Kanan, de toute façon. La mort de Kanan, qui a aussi une des meilleures musiques de la série. Hein. Ça, c'est un truc assez ouf. C'est que, à partir du moment où Kanan meurt, il a un petit thème qui revient. Et c'est pareil, ça ressemble moins à Star Wars que le reste de la série. Et du coup, ça fonctionne super bien. Et c'est pour ça que... C'est important des fois de mettre, quand on fait de la musique, de mettre des trucs plus personnels que quelque chose qu'on pense qui devrait y être. Enfin, je sais pas si. C'est le truc le plus dérangeant des musiques de The Clone Wars, mais également de Rebels et Resistance, c'est qu'en fait ça se dégage pas assez de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans Star Wars. Alors, c'est pour ça que c'est pour ça d'ailleurs que le Mandalorian ça fonctionne aussi bien au final. C'est parce que absolument, il a sa propre identité et c'est un truc que j'aimerais bien qu'il arrive dans les séries animées à l'avenir, quoi. Parce on a des chances, ouais. Même dans la saison 7 de Clone Wars, tout le monde a dit ouais, il y a le, je sais plus quel épisode, je crois que c'est le dernier mais, ou l'avant-dernier où c'est un truc au synthé à la Blade Runner, mais ça fonctionne tellement bien, c'est complètement cool. Et c'est pareil, voilà. Voilà. C'était le petit aparté musique, avant de passer à quelqu'un qui ne fait pas de musique, mais qui est un virtuose. On pourrait continuer à parler de Sabine. Ouais, ouais. Parce que Sabine aussi, c'est la première personne qui m'a fait apprécier les Mandaloriens. Moi aussi, ouais. que je détestais par principe avant, parce qu'ils étaient surhypés, principalement Boba Fett. Hein. Pareil. Dis donc, no offense, how the table stern. Mais voilà, quelqu'un d'autre qui est virtuose derrière un manche. C'était pour toi, Matt. Derrière deux, mais... Derrière deux manches. c'est la maman du crew, c'est Hera. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Hera, Matt? Pourquoi moi? Parce que je sais que c'est ta préférée. Mais là, comme ça, je n'ai rien qui me vient. C'est, bah, c'est... Déjà, c'est quoi? C'est quoi? Bah, c'est une Twi'lek. Alors, je ne sais plus si on a grand-chose sur son origine, story. Alors, son père était Sham Sindula, qui était déjà dans Clone Wars. Qui était dans Clone Wars et qui était le chef de la résistance, si on peut dire. Oui, c'est la résistance Twi'lek, en l'occurrence. Vis-à-vis d'une part des séparatistes, surtout contre eux qui se mettaient sur la gueule, mais qui n'étaient pas non plus forcément très fans de la République. Les Twi'lek, ils ont quand même une forte indépendance, une forte volonté de rester indépendants. Ouais, bah en même temps, quand tu vois comment ils sont traités, moi je les comprends. Hein. Voilà. Et oui, du coup, effectivement, ouais, c'est vrai que c'est la fille de ce chef. Et c'est un personnage extraordinaire, je sais pas comment dire, c'est... C'est rigolo, c'est... parce que je pense que de tout le crew, c'est un de ceux qui apparaissent le moins souvent quand même, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, genre toute la fin de la saison 2, elle apparaît pas. Pareil, tout le début de la saison 4, elle apparaît pas, quand ils sont sur Mandalore, et pourtant c'est un des... Enfin, c'est vraiment un pilier, quoi. C'est, la série, elle serait vraiment... C'est le pilier. Enfin, ça manquerait, quoi. Ouais, et justement, finalement, elle apparaît relativement peu, mais ça a toujours un fort impact. Parce qu'elle va être à la fois, justement, comme dit Nevaterman dans le chat, c'est que ça va être une mentor pour les deux gamins. Ouais, en fait, un peu à l'instar de Anne, qui était le mentor de Finn et Rey dans TFA. Là, pareil, c'est encore le pilote du vaisseau cargo un peu stylé. Mais du coup, d'une façon différente de Kanan, elle leur parle différemment. Lui, il est un peu plus paternaliste, en l'occurrence, et elle va essayer davantage peut-être de les comprendre, de les accompagner même dans leur réflexion. Elle a un côté j'ai pas envie de dire que c'est une maman, mais un côté maternel quand même qui est présent, une certaine tendresse de tout le crew en l'occurrence. Ça va, genre, c'est pas la sage non plus du groupe, mais elle est quand même plus posée qu'eux. Elle est généralement plus posée, c'est elle qui va généralement, voilà, on s'arrête 30 secondes, on va réfléchir un peu aux implications. Elle est moins impulsive pour le coup que certains. C'est quand même elle le moteur aussi. Beaucoup ça dépend. Du... ça dépend des moments. Surtout par rapport à tout ce qui est rébellion, justement. Hein, et c'est dans le titre. Oui. Voilà. Justement, puisque tu y es, en plus, c'est elle, c'est notamment, en plus d'être un des piliers de l'équipage, cette petite famille, c'est un pilier de la rébellion, puisque c'est elle qui, du coup, fonde la cellule Phoenix, finalement, avec eux autour, mais c'est clairement elle qui amène la chose et qui, derrière, devient générale dans la rébellion, avec le succès qu'on lui connaît. Donc, c'est un personnage qui est très complet, qui a aussi ses insécurités quelque part, enfin aussi ses problèmes à elle, mais très très bonne pilote, stratège, posée, tendre, aimante. Enfin, c'est un personnage qui est hyper complet, qui est hyper attachant et il est formidable ce personnage. Je sais pas, moi je l'adore depuis le début de la série. En plus, le Ghost c'est son vaisseau, Chopper c'est son ride. Ah oui, en fait, c'est vraiment elle, comme je disais, le moteur de tout, quoi. C'est elle qui monte le groupe. C'est aussi la plus responsable. Clairement, c'est la plus responsable. Et si on s'étend sur une nouvelle aube, c'est elle qui sort Kanan de sa crasse. Et elle fait ça aussi à Ezra. Hein. Qui l'entraîne avec elle dans ce qu'elle fait, parce qu'elle faisait déjà de l'espionnage dans une nouvelle aube. Elle était déjà dans une certaine forme de rébellion. Lui, il se mêlait de rien, il se cachait, et elle le sort de sa merde pour voilà, pour qu'il trouve en fait un sens à son existence avec elle, en l'accompagnant. C'est elle le moteur de toute la série, de tout le groupe, et c'est elle qui apporte les moyens, vu que c'est son vaisseau, son droïde, etc. Mais c'est le personnage le plus fort pas dans le sens physique, mais c'est le personnage le plus fort de la série. Ouais, en plus, elle s'en prend plein la tronche aussi. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle en chie. Et ça, c'est un truc aussi qu'il faudra voir par rapport au reste du canon et comment elle vit. Ça, c'est super parce qu'elle apparaît encore dans plein de trucs. Le truc, c'est que en fait, tu vois que après avoir libéré Lothal à la fin de la saison 4, elle a continué à faire la guerre et tout. Et ce serait bien qu'un jour, elle ait le droit d'avoir une fin heureuse, quoi, tu sais. Oui. Au moins de se reposer. La paix. Oui. D'autant plus que, évidemment, elle, c'est la maman. On a dit qu'Anan, c'est le papa. Donc, comme dit la manif pour tous, une famille, c'est un papa et une maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Bref, tout ça pour dire c'est que. Oui, c'est complètement faux. Oui. Je dis ça exprès. Oui, 10 minutes, exactement. Une 10 minutes, une vieille OMG, une Twi'lek avec des vêtements. C'est vrai que moi, ma connaissance. En fait, j'ai réattaqué Star Wars avec Rebels. Je me suis remis dans Star Wars réellement avec Rebels plus qu'avec les pilotes. J'ai réaccroché à Star Wars parce que j'avais fait un hiatus de au moins 10 ans quasiment sans me préoccuper de tout ça. Et là, une Twi'lek qui n'est pas objectifiée, qui n'est pas sexualisée et qui est un personnage super fort. Enfin, je trouvais ça juste génial d'aller dans une autre direction que tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, quoi. Et donc je disais oui c'est la elle est aussi en relation avec Kanan au-delà du fait d'être de faire partie du crew quoi et ils font des bébés ils font un bébé c'est bien déjà ils en font déjà deux et du coup c'est pour ça que je parlais de d'après, parce que c'est un peu dur des fois de voir qu'elle continue de faire la guerre pendant des années alors qu'elle a un enfant, quoi. Ça me rend un peu triste des fois. J'aimerais bien qu'elle revienne à la paix, quoi. Qu'elle prenne vacances. Mais je pense que la paix, elle la trouvera jamais avec tout ce qu'elle a sacrifié, tu vois. Génial. On est d'accord, c'est affreux, mais d'un point de vue du personnage, moi je ne la vois pas se ranger, tu vois. C'est un personnage à la layer, en fait. Ouais, c'est ça, je ne la vois pas. C'est que en fait, elle se bat aussi. Enfin, quand elle se bat aussi, du coup, pour le futur de son fils, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, c'est pour ça, en fait. Oui, mais si tu meurs. Ouais, mais ce serait bien que. Ça sert à quoi de vivre si son fils il meurt deux ans après, tu vois. T'as plein de... C'est compliqué, mais en même temps, je comprends d'un point de vue du personnage pourquoi elle arrête pas de se battre, quoi. De toute façon, elle l'aurait fait de toute façon. Et déjà, ouais, pourquoi elle est pas dans la résistance et tout, dans ce cas-là, enfin, c'est trop, c'est vraiment mais trop bizarre comment ça gère. Ouais. Peut-être qu'elle s'est posée, et puis voilà. Surtout que le ghost, ah oui, il voilà. est là dans le film qui a été annulé, là, mais... On sait justement, pas pour la vie, c'était rangé, et puis elle revient voir son fils. Et puis... Ouais, moi je pensais que c'était quand on a vu des images du ghost dans le trailer de l'épisode 9, qui d'ailleurs n'est jamais sorti. Je pensais que justement on allait entendre un truc du genre Spectre 7 standing by, tu vois. En mode, c'est Jason qui arrive, et en fin de compte, non, on n'en sent rien du tout, parce que déjà, Abrams, je lui pisse à la gueule, voilà pourquoi. Non, mais ça aurait fait trop, quand même, de toute façon. Il n'y avait rien qui allait. Ouais, mais ça aurait fait trop, mais ça aurait fait du bien, quand même, dans ce film de merde, de voir un truc qui fait plaisir. Mais quel film ? Il n'existe ouais. pas. Mais oui, qu'est-ce qu'il raconte ? Je comprends pas. Je crois que tu as fait un mauvais rêve. Rien, Ah, la vache. Et malgré voilà le fait qu'elle soit aussi proche de Kanan, c'est aussi un des personnages qui comprend le plus vite que ben il faut continuer d'avancer même s'il est plus là, quoi, parce que elle a toujours enfin même si les autres étaient pas là, elle aurait été une rebelle, et maintenant qu'ils sont tous ensemble et qu'ils sont si proches du but et que c'est grâce à lui qui sont si proches du but, elle reste même dans ces moments-là le moteur du groupe. Et c'est tellement triste quand Ezra à la fin il s'en va alors qu'elle lui a dit non et tout, et il part dans son dos et tout, et puis elle se rend compte qu'il est plus là, qu'il est parti. Elle a l'air ben tu vois quoi, elle perd encore quelqu'un et en même temps elle est en train de gagner, et elle est tout le temps en fait dans ce truc là, et bon bah elle continue d'avancer quoi. Mais oui elle perd son pardon, c'est... non vraiment bah je disais juste que c'est un personnage qui est fort parce que malgré tout elle continue d'avancer, et le seul moment où elle doute vraiment de tout juste après la mort de Kanan, eh ben, qui est-ce qui est là pour elle ? C'est son petit droïde qui est là depuis le début, depuis avant Kanan, depuis tellement longtemps, qui s'est crashé en Y-Wing juste à côté de sa maison il y a des années. C'est Chopper, c'est un DSP, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est Quentin. Qui est basé à 10 000% sur les concepts de R2. De McQuarrie avec ses bras sur la tête. Concept qu'on a pu revoir dans l'épisode 9 de la première saison de The Mandalorian. Ah, attends. 9, 8, enfin, dernier épisode. Où tu sais, t'as le droïde qui... Alors, c'est pas pour le coup Chopper, mais il y a un droïde avec des bras qui, tu sais, qui navigue dans la lave sur Nevarro. C'est le même genre. Même... Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, d'accord. Celui qui pagaie, quoi. Ouais. C'est ça, pardon, je vais t'expliquer. Numa Thurman qui disait à propos de Dera qu'elle est consciente de porter l'espoir des autres par ses actions et qu'elle n'arrêtera pas ce qu'elle fait parce qu'elle veut continuer à justement être un moteur pour les autres, en fait. Mais je trouve ça intéressant, justement. C'est vraiment la maman, quoi, c'est genre. C'est ça. Bah, tu t'arrêtes pas. Tant que tout le monde est passé. Mais pour revenir à Chopper, juste qui est le meilleur droïde hein, R2-D2, il peut retourner se coucher. Mais il arrive à rendre R2 il arrive à rendre R2 sympathique, quoi. C'est quand même... J'allais dire, il arrive à rendre R2 poli. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est un gros fouteur de merde. Mais ce qui est génial, c'est que un peu comme BB-8, c'est un truc qui manque un peu à R2, c'est... Des fois, bah lui aussi, il va faire de l'action et il roule sur son ventre et dans chaque bras, il a une mitraillette, tu sais, en train de rouler. Il tire sur tout le monde, c'est super drôle. Puis il fait le signe de Joule avec ses pinces. Non, mais c'est trop ça. qui a un vrai caractère, quoi. Je trouve assez formidable. Il est un peu, on sent qu'il a pas tous les fusibles qui sont encore en bon état, mais il a une vraie personnalité. Il a un caractère. C'est pas comme R2, voilà. Bon, c'est R2, mais ouais, R2 va me faire ci, R2 fait machin, R2 bidule. Chopper, faut lui mettre les formes, faut lui demander gentiment. En fait, il est vraiment considéré et il se considère comme un membre à part entière de l'équipage. Il y a un truc qui m'avait marqué, c'est qu'à un moment donné, ils sont dans le vaisseau, ils votent, c'est même au début de la série, et Chopper a sa voix. Chopper compte dans le. C'est pas juste le droïde qui sert à faire les tâches, c'est un membre de l'équipage. Ah oui, bien sûr, mais ça, c'est tu le ressens même lorsque. Dans les moments où ils parlent entre eux, tu vois, où vraiment t'as Chopper qui est dans la discussion et qui n'hésite pas à les envoyer chier. D'ailleurs, c'est hilarant, je veux dire, quand Chopper. Enfin, tu peux deviner ce qu'il dit. En fait, avec les bruits qu'il fait, ils vont très bien gérer le sound design parce que, enfin, vraiment, rien qu'à entendre parler, tu sens qu'il est rien qu'au son. En fait, tu comprends que c'est un droïde qui est vraiment casse-couille et il est adorable parce que voilà, et même ces moments de lien avec il est tellement casse-couille qu'il est joué par Dave Filoni. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, donc, t'as des séquences qui, moi, m'ont fait du bien à mon petit cœur. C'est quand, en fait, Chopper, il se fait pirater par un pirate de l'Empire. Et en fait, c'est Ezra qui s'en rend compte parce que Chopper, il est trop poli. Et du coup, il dit, mais c'est pas normal, ça. Il est pas bien, ton droïde, Hera. Et donc, Hera, elle est trop vénère. Et elle crie à un moment donné, elle fait oh, ils ont touché à mon droïde, ils vont voir ce qu'ils vont voir quoi. Oui, elle est hyper furax, hein. Leur mort, je trouve. Ah ouais, c'est elle déconne pas quoi. Elle a aucune pitié, on touche pas ouais, c'est ça. L'équipage quoi, de la famille. Et elle les bute, hein, comme dit Tuki, elle les bute quoi, les pirates qui ont fait ça, parce qu'en gros elle fait surcharger Chopper, et en fait eux avec le signal, bah, ils explosent dans leur vaisseau quoi. Bah, en plus même avant ouais. elle les grille parce que c'est tous des cyborgs les mecs là-dedans. Oui, c'est ça. Les mecs ils grillent avec leurs implants avant ouais. de finir pour faire exploser le vaisseau, enfin c'est zéro pitié, hein, elle déconne pas. Elle dit on touche à mon droïde, ils vont voir ce qu'il va faire, et c'est ce que je vais faire quoi. J'aime beaucoup dans son design le fait qu'il ait tous ses bras aussi, ça y apporte énormément de personnalité, c'est très très cool. Parce que du coup, il a beaucoup plus de panels de mouvement que R2, par exemple. Et il peut foutre des tartes aussi. Et aussi, oui. Ouais. Il le fait, oui. En plus, il le fait. Oui, bien sûr, c'est génial. C'est quand il tourne sur lui-même, qu'il commence à s'envoler et qu'il fonce dans les ennemis en tournant en rond. Mais c'est génial, c'est trop parfait, quoi. Dans l'épisode où il sauve les gens qui ont été kidnappés par, par l'Empire et où il se met à tabasser les Stormtroopers comme ça, et que t'as un des gars qui est en train de se faire sauver qui fait « Oh, il a vraiment un problème, ce droïde !» Mais attends, il y a un moment où Chopper sert de surf à Ezra. Oui, c'est grave stylé ça comme idée. C'est trop cool. Si vous voulez avoir une autre idée de la personnalité de Chopper, pour ceux qui connaissent pas, à un moment il pirate un droïde, enfin il kidnappe un droïde postal, l'équipage kidnappe un droïde postal de l'Empire pour le remplacer par Chopper, et puis finalement il se lie d'amitié avec ce droïde qui est super gentil. Chopper il voit le droïde, certainement pas, et il le balance et ils sont en train de voler au-dessus de l'hôtel en fait, et c'est genre non Nictaras, je suis le seul. J'avais oublié ce passage. La violence. Ouais, il est caractériel, il se vexe aussi facilement. Je crois qu'il y a des moments où il devrait piloter un vaisseau, il pilote pas, il est pas content, machin. Ouais. En fait, c'est Matt. Ah, ça, si vous voulez. L'épisode où il se retrouve à piloter un cargo impérial aussi avec le droïde de protocole qui. Il l'entraîne avec lui. Il est assez cool cet épisode aussi, justement, où bah, là, pour le coup, bah, c'est centré sur lui. La relation qu'il a, peut-être on en reparlera plus tard si on attend de AP5, mais la relation qu'il a avec AP5, elle est incroyable. Vas-y, c'est intéressant. Ça participe justement au développement C'est ça. C'est que donc en fait AP5 c'est un droïde compteur, je crois, et son truc c'est de compter des trucs. Un comptable. Et en gros, c'est ça. De quoi ? C'est un comptable, il fait l'inventaire du stock, enfin du marchandise. Ouais. Il fait l'inventaire des marchandises, et donc un jour Chopper, il fait leur mission, tout ça, et il trouve ce droïde tout seul. Et donc, il l'emmène. Et en fait, genre, vraiment, LP5, au début, c'est vraiment... oh non, je vais me faire gronder, il faut pas faire ça, c'est pas bien, il faut suivre les règles, attention. Et vraiment, donc, du coup, il l'embarque, et en fin de compte, LP5, ça devient un peu un pote de Chopper, parce qu'il est embrouillé dans la rébellion après ça, et en fait, LP5 devient complètement comme Chopper. C'est-à-dire que vraiment, bon, un peu moins vénère, mais vraiment, en fait, ils détaillent l'un sur l'autre. Et c'est drôle de voir à quel point LP5 commence à mal parler à Chopper et tout, avec un gros sarcasme. Et c'est vraiment un sarcasme à la Chopper, ça. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'à un moment donné, je crois, justement, ce droïde, il se dit je vais me faire désactiver, ça va être la merde et tout. Et il pense qu'il est abandonné, je crois, ouais, même il se perd d'un moment, il se dit bon, c'est fini. Et Chopper dit non, mes amis, ils vont venir nous sauver. Et là, ce droïde, il réalise que pour un droïde, tu peux être considéré autrement. Il y a cette émancipation. Et le fait que, non, regarde, moi, je connais des gens qui ne me considèrent pas juste comme un droïde, je suis aussi une personne, quelque part, ils vont venir nous sauver, ils vont venir nous aider. Et c'est hyper intéressant, du point de vue de Chopper et de cet autre personnage qui, du coup, se découvre aussi être un être vivant, quelque part, quoi. Mais ce droïde-là, c'était pas à la base un droïde contabnérien, hein, c'était un droïde statisticien de guerre. C'est ça, c'est un droïde impérial. Parce qu'ils ont perdu une bataille et il s'est retrouvé à faire le stock, quoi. Ah, je me rappelais plus ça. Ces droïdes-là, on en voit sur l'étoile noire, même dans l'épisode 4, justement. Ah, je me rappelais plus. Et c'est pour ça qu'ils pensaient pas que Chopper puisse avoir des amis humains, parce que lui, ils l'ont traité comme le pilote avec qui il était est mort, et du coup, le gars, il a été dégradé, traité comme de la merde parce que. Ils n'avaient pas gagné une bataille. Et juste, il y a un moment justement avec LP5 dans la série où en fait, justement, il se croit abandonné. Alors, je sais pas si c'est le même épisode dont tu parlais, Matt, mais en gros, il est dans l'espace tout seul. Et il chante. Il chante. Et vraiment, il est là en mode genre, oh, ça y est, c'est la fin de ma vie. Je m'envole et j'arrêterai. Enfin, genre, c'est parti, tout ça, j'arrête de vivre et tout ça. Et puis en fait, il y a même des petits papillons d'espace qui tournent autour de lui. Donc, il est là, il dit genre, oh, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, c'est parfait, tout ça. Enfin, ça se termine. Et là, t'as le ghost avec le cargo ouvert qui va à fond. Et puis, t'as un plan large et t'entends juste le. Non, gros, genre, ah oui. Il s'est rentré, il s'est fait vraiment cogner dans le ghost. Et ce plan-là, il est super drôle, mais c'est un des plans les plus drôles de toute la série, en fait. Le moment où ça devient comédie musicale, c'est vraiment extraordinaire. Mais oui, c'est... Il disait que c'était Ezra qui s'était rendu compte que Chopper s'était fait hacker, mais en fait, c'est pas lui, hein, c'est Epifa. Oui, c'est vrai. Pardon, t'as raison. Parce que ils sont potes, mais ils ont cette relation de potes qui passent leur temps à se roaster, et puis il est gentil avec moi, c'est pas normal. C'est un peu... Il y a un problème. C'est un peu comme R2 et C3PO, mais juste en plus violent. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, heureusement que j'avais mis Chopper entre parenthèses, et que j'étais pas sûr qu'on allait en parler, parce que sinon... Ah oh bah il faut en parler, de Chopper, attends. Serait... Parler des autres, il faut... Mais voilà, là on a fait le tour du crew hein, en une heure et demie. Une heure et demie. Pas mal. Mais le crew ne vaut pas que par lui-même, parce qu'il vaut aussi grâce aux interactions qu'il a avec ses ennemis. Et alors, il y a vite fait dans les premières saisons Tarkin qui est un peu là sur l'hôtel, mais voilà, le vrai ennemi principal du début de la série, ça reste le Grand Inquisiteur. C'est tout un truc. Alors, le Grand Inquisiteur, qui c'est ? C'est un ancien garde du Temple Jedi qu'on peut voir quand il se fait recruter, d'ailleurs, dans le comics Vador, Seigneur Noir des Sith, par Charles Soule. En fait, c'était un gros con, déjà. À l'époque, un des premiers trucs qu'il fait après l'Ordre 66, c'est d'aller attaquer Jocasta. Et après, bon, pour le coup, qui ne le ferait pas ? Et non, mais jeux Castel, elle les aurait rejoints. Pas oublier qu'elle jouait à touche pipi avec Comte Doku. Hein. Non. Jeux Castel, elle les rejoint pas du tout. Et, elle le combat et tout. Mais voilà. Et donc, lui, il est joué par Jason Isaacs, qui est Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter, qui est aussi qui est en fait abonné au méchant de première saison. Hein. C'est le méchant de la première saison, le général je sais plus quoi dans Avatar, c'est le capitaine du Discovery dans Star Trek Discovery, et du coup c'est aussi le grand inquisiteur dans Star Wars Rebels. Donc, le mec il a été dans toutes les franchises que vous aimez bien, et à chaque fois il a joué un méchant, et souvent c'était que dans la première saison. Le grand inquisiteur, déjà c'est la première fois qu'on voyait les inquisiteurs dans le nouveau canon, les inquisiteurs donc qui sont liés à Vador plus qu'à l'empereur ou quoi que ce soit, c'est vraiment c'est juste en fait pour avoir plus de sites, mais sans dire que en disant oui non mais la règle des deux on la garde parce qu'il y a que deux sites, et puis eux en fait c'est des inquisiteurs, et donc lui c'était le premier à les rejoindre, il est juste antagonistique par rapport aux autres. C'est pas comme plus tard les autres personnages qui essayent de les tenter enfin principalement à partir de Maul. Oh putain, je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse bêtise. ben c'est pas comme Maul qui lui par exemple va essayer de séduire Ezra au côté obscur et tout. Non, lui il veut les buter. Personnellement, en revoyant la série, je trouve qu'il est vachement efficace en tant que méchant. Voilà. Il tente Ezra un petit peu au début. Hein. Quand ça ne marche pas. Voilà. Il se rend bien compte que ça pue du cul. Mais il tente quand même. Ça marche jamais, d'ailleurs. Ils sont cons, ils apprennent jamais. Hein. Ça marche presque avec Ezra. Oui, presque, mais ça marche jamais. Ils n'ont pas vu les films ou quoi? J'ai une bêtise à corriger, donc je vous laisse continuer 2 secondes. Allez-y. Ah. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, les Inquisiteurs, dans le sens où ça permet d'avoir des combats de sabre laser Lidl, quoi. Enfin, c'est pas des gros trucs comme les Sith avec les éclairs et tout ça. Eux, c'est vraiment juste, en fait, des Jedi déchus, quoi, la plupart. Ouais, ils trichent assez régulièrement avec des gadgets et tout. C'est vraiment genre, ils sont là pour faire le taf, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les Uruk-hai, tu sais, c'est les Jedi qui ont été corrompus par la torture et tout. Et du coup, ils n'ont aucune règle, aucune pitié, ni rien. Si tu dois te battre salement, tu le fais. Le but, c'est de gagner et d'arriver assez fort. Ouais, et en fait, il me semble que... Grand Inquisitor, je crois qu'on ne connaît pas son nom, il me semble, mais il me semble qu'à la base, corrigez-moi si j'ai tort, c'était un des gardiens du temple, en fait. Oui, oui, on l'a dit. Vous l'avez dit, j'ai même pas entendu. Ouais. Okay. D'ailleurs, c'est lui qui, à un moment, Kanan est dans le temple Jedi, et il y a tout un truc, et en gros, le Grand Inquisiteur est là. Enfin, il est là dans sa forme Jedi, pas dans sa forme Grand Inquisiteur, et il me semble qu'il la double Kanan. Voilà. C'est Ezra ou Kanan qui la double ? C'est bien Kanan, parce que justement, comme je disais, c'est pour ça qu'on n'a pas trop parlé de Ezra et Kanan, parce que c'est principalement eux qui interagissent en fait avec la plupart des méchants, sauf un en particulier, mais voilà, c'est surtout eux qui grandissent grâce à leurs ennemis, et voilà, Kanan, il avait donc ce complexe de pas avoir fini sa formation, genre pourquoi je vais être maître alors que moi-même je suis pas un Jedi, et justement dans la saison 2, dans le temple de Lothal, il se fait adouber par le fantôme, en tout cas la vision du grand inquisiteur sous sa forme de gardien du temple. et qui d'ailleurs se met à se battre contre les inquisiteurs pour les autres inquisiteurs vivants pour laisser le temps à Kanan de s'enfuir. Voilà. Donc il a sa petite rédemption en quelque sorte via des visions de force. Incroyable. C'est sympa ce truc de rédemption là. Waouh, c'est ouf. On n'a jamais vu ça dans Star Wars. Non, c'est clair. En tout cas, jamais bien fait, à part une fois dont on va parler tout à l'heure. Mais. Et récemment, dans un comic, je crois que c'est dans la série principale Star Wars, mais je suis pas sûr. En fait, on a appris que, en fait, quand il meurt, quand il perd face à Kanan à la fin de la saison 1, il préfère se jeter dans les flammes plutôt que de d'affronter Vador. Oui, il dit il y a des choses pires que la mort, et le truc c'est qu'en fait Vador il le maintient en vie, et du coup il est perpétuellement en train de cramer en fait, et il est toujours aux ordres de Vador à l'époque de la trilogie originale. Voilà. Oh non, c'est alors horrible. En vrai Vador, tu lui fais des câlins, tu touches ses boutons, il te laisse tranquille. Ouais, vous pouvez aller voir la série de Tuki sur Vador Immortal, et vous verrez que en vrai, il est super sympa, Vador. Vador, tu lui poses une question et il arrête de se battre contre toi, c'est super cool. Tu lui parles du sable et il bug. Moi, j'ai pété le jeu en parlant du sable. C'était tellement extraordinaire. Si vous voulez, il y a les replays de ces lives-là que j'avais fait sur Vador Immortal. Et du coup, il meurt pas, en fait, ce Grand Inquisitor. Oups. Il s'est raté. Mais il a quelque chose pire que la mort. Exactement ce qu'il voulait pas. Le pauvre bébou. C'est terrible. Bon, le pauvre bébou, bon, il essaye de tuer tout le monde pendant toute la première saison. Voilà. Oui, non, c'est un connard. Il y a pas mal de... Mais... En fait, ce que j'aime beaucoup avec lui et qu'on retrouve plus du tout après, c'est attends, à moins que ce soit avec Maul. Non, c'est avec lui. Ce côté ultra cauchemardesque, en fait. Il y a beaucoup de séquences de cauchemars dans lequel il est pour Ezra, quoi. En fait, c'est vraiment le monstre qui fait peur à Ezra comme jamais, et c'est plutôt réussi dans la première saison. Voilà, il fait peur. Et vous savez qui ne fait pas peur? Les deux autres inquisiteurs qui sont dans la saison 2. Ils font l'hélicoptère. Ouais, ils font l'hélicoptère avec leur sabre laser. En fait, ils sont... Après, le grand inquisiteur et Tarkin, bon, bah, déjà, Tarkin, il revient plus trop. Déjà, il était pas trop là dans la première saison, mais voilà, quoi. Il était giga violent aussi. Eux, ils sont un peu plats. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, bah, ils m'ont pas beaucoup marqué. Il y a juste le fait que justement ils trichent pas mal, ce que je disais juste avant, qu'ils trichent pas mal en utilisant des gadgets, et du coup tu te dis un peu genre ouais, ils sont un peu nazes, quoi. Ils essayent d'être aussi balèzes, mais ça se voit que non. C'est pour ça qu'à la fin ils laissent tomber les inquisiteurs. Ouais, c'était de la merde. Mais en plus c'est trop bizarre, parce que quand tu vois genre la neuvième sœur et la deuxième sœur dans Fallen Order, c'est pas du tout le même truc. Genre, eux, ils savent faire des trucs, quoi. Mais ces deux-là, ils passent leur temps à se disputer. C'est la Team Rocket. Mais c'est trop ça. C'est trop ça, sauf qu'ils sont pas assez comiques pour fonctionner aussi bien que la Team Rocket, quoi. Ils s'y croient trop, et un peu la série aussi qui les prend au sérieux. Alors qu'en fait, ils sont pas vraiment menaçants. Les cartoon, là, les trucs qui viennent empêcher l'histoire d'avancer en emmerdant les persos principaux, étaient juste bon, cassez-vous. Mais au début, de l'émission, on parlait de comment il s'appelle, de Freddie Prinze Jr. qui est marié à Sarah Michelle Gellar, et du coup Adrien. Ouais, et du coup, donc, Sarah Michelle Gellar joue à l'écran, là, vous pouvez la voir, la Seventh Sister, donc la septième sœur. Il me semble que c'est le cinquième frère à côté, je sais plus. Ouais. C'est ça, hein, je sais plus son numéro. Oui. Et donc voilà, deux personnages qui, qui reviennent au fur et à mesure de la saison 2, mais c'est vrai qu'ils sont assez vite oubliables. Néanmoins, c'est cool de voir une Miri Allan. Moi, j'aime beaucoup les Miri Allan. J'aime bien la sœur, moi, en fait. Il y aurait eu que elle, je pense que ça aurait été vachement mieux, parce que... Ouais, c'est vrai. Et celui qui est dans le final, qu'on voit pas beaucoup, ils auraient pu le garder quand même, tu vois, à la fin, mais... Parce qu'il y en a un autre, il y a le 9e frère, je crois, à la fin, qui meurt comme une merde, en plus. Le 9e frère, à la base, c'est la 9e sœur, je crois. C'est celle que tu bats dans Fallen Order. Non, mais il y en a un autre dans le final de la saison 2. Oui, mais c'est pas le 9e frère, je crois. Ah bon ? Je crois pas. Ou alors, ils peuvent changer de... Parce qu'on sait pas ce qu'elle devient, la 9e sœur. C'est pas le 8e frère, plutôt ? Peut-être, ouais, je sais plus ça. Je sais plus, mais je vois de qui tu parles, hein, Grushkov. Ouais, qui est là un petit peu, qui est déjà sur... Niveau design, j'aime bien le look de la 7e sœur, justement, enfin, entre le casque et la combi impériale noire, pour le coup, ça marche bien, je trouve. Puis même, elle est pas... Dans l'épisode un peu huis clos dans la station, là, je trouve qu'il marche bien, finalement. Ah ouais, c'est la première fois qu'on les voit. 8e frère. Le 8e marche bien. D'accord. Je sais pas comment. Ouais, qu'il y a un casque et tout. Et c'est vrai que en fait, ces designs-là, c'est ceux qu'on retrouve dans les comics et plus récemment dans Jedi Fallen Order où en fait, Trilla, elle a quasiment le même look. Elle a une cape quand même, mais elle a à peu près le même look que la Seven Sister. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que à chaque fois qu'ils apparaissent, ils perdent lamentablement. C'est incroyable parce que vraiment, dès qu'on les voit au début, Ahsoka, elle arrive, elle les défonce en 2-2. Pour le coup, c'est badass. C'est vraiment badass. Mais en fait, je pense à l'épisode où justement, il recherche des bébés force sensitive. Ils n'y arrivent pas en fait. Et à toute fin de la saison, ils sont défoncés par Maul et par Maul, c'est tout. Il me semble que c'est lui. Ils les butent tous. Mais comme dit, il y a vraiment ce côté un petit peu Team Rocket, comme ça, ils sont un peu comic relief, un peu menaçants, mais ici, comme dit Animatorman, ils servent le scénario et à faire arriver Vador ensuite à la fin de la saison 2. Quoi. Ils sont Vador, il est là avant eux dans la saison 2. Oui, mais c'est la muse-bouche, quoi. Ils sont là juste pour occuper, on va dire, en attendant, ou faire une menace. La 7e sœur, en fait, dans son approche qu'elle a, j'aime bien, parce qu'il y a un moment donné où Ezra est attaché, puis elle discute avec, elle tape la discute, elle est juste posée sur un fauteuil. L'autre est un peu plus bourrin, un peu plus con, mais je trouve ce personnage est plus intéressant. Peut-être que, je sais pas, l'actrice y est pour quelque chose, mais je trouve qu'il marche bien. En plus, elle a un petit droïde qui est trop mignon. Oui, on avait trois à la base, hein. Il y en a quand même deux. Oui, ils ont pris cher. C'est sur Smogo. petit point canon, est-ce qu'on sait comment ils terminent les Inquisiteurs finalement? Je pense qu'ils meurent tous et je pense qu'on verra ça dans Fallen Order la suite. Oui, c'est ce que j'avais dit sur le Discord l'autre jour justement. Je pensais que. Enfin, c'est possible qu'à mon avis, Cal parte dans un délire de les vaincre tous quoi. Mais du coup, voilà, à la fin de la saison 1, on n'en a pas parlé, mais on fait pas un truc très linéaire, mais il y a le contact de la rébellion de Hera qui leur donne des missions et tout. C'est révélé en fait que c'est Ahsoka depuis le début. Le début d'une super tendance de Dave Filoni qui nous fait tous plaisir, c'est de foutre Ahsoka partout. Au début de la saison 2, du coup, il y a aussi Vador qui arrive. Alors là, du coup, ça devient intéressant. Il est là, il leur fait mal, et après il repart. Il envoie ses inquisiteurs à la place, les deux Gugus, là, et il revient dans le final de la saison en debout sur son TIE Fighter en train de le piloter à la distance. quel plan, il est ouf. Le mec, il s'y croit tellement, c'est trop drôle. Il se prend pour Batman, clairement. Non, mais vraiment, ouais, c'est ça. Non, mais la lumière sur ce plan, elle est folle d'ailleurs. Mais ouais, tout cet épisode-là, le double épisode à la fin de la saison 2, les plans, quand Ahsoka se bat contre Vador, t'as des plans mais tellement large que tu vois juste deux lumières rouges, enfin trois du coup, rouge et blanche, qui se baladent en bas de l'écran avec des petites figures qui se tapent dessus. Mais ce plan-là, il en faut plus, des plans aussi loin dans Star Wars de combat comme ça. Et donc lui, il est là pour péter tout le monde, mais surtout parce qu'il a senti Ahsoka au début de la saison, et du coup, il est là pour Ahsoka, et c'est bien parce que du coup, ça fait une petite séquence où on voit que Vador, bah, il n'est pas encore prêt à ce moment-là, hein, quelques années avant la trilogie originale, il est toujours pas prêt, il est toujours bien Vador. À un moment, il essaye de faire genre « Oui, Ahsoka, c'est moi, Anakin, nanana », et en fait, pas du tout, hein, c'est un gros connard, et il essaye de la tuer, et au final, bah, il la tue, et elle revient plus jamais, et c'est pour montrer vraiment qu'il n'est pas encore prêt à revenir du côté de la lumière, et ça, c'est assez cool, et je suis vraiment content qu'il soit allé jusqu'au bout de l'idée, quoi. Ça marche, très très bien. Ah putain, j'ai tellement pas hâte d'être vendredi prochain. en vrai, y a un truc par rapport à Ahsoka aussi, c'est que elle se fait sauver par. Oui, en fait, j'ai menti, elle est pas morte. Elle se fait sauver par. Comment il s'appelle ? Par Ezra, qui est dans le monde, entre les mondes, en fait, et comme ça, après, elle peut mieux lui dire que non, moi tu m'as sauvé, mais tu vas pas sauver Kanan, va te faire foutre. Ça, c'était important aussi. Pour le coup, par contre, Ahsoka en Fulcrum, moi je l'ai pas vu venir, c'était très cool. Je trouvais l'idée était sympa. Alors, en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que on l'a pas vu venir, mais si tu regardes bien, le symbole de Fulcrum, en fait, c'est peinture sur la gueule. Oui, mais j'avais même pas fait le rapprochement à l'époque. Moi, je remettais les pieds dans le canon, j'avais pas vu Clone Wars. Donc, C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est pas drôle du tout, en fait, mais c'est cool. Mais ouais, en fait, le truc qui m'embête un peu par rapport à Vador, c'est que, pour le coup, c'est pas vraiment un ennemi c'est un ennemi de tout le monde, mais lui, il est vraiment plus là pour Ahsoka, je veux dire. Oui. Il défonce Ezra en deux secondes. On voit que lui, il est vraiment là pour le niveau d'au-dessus, quoi. Ouais, c'est ça, il fait bon. Le gars, il va venir, il va dire ouais, le mode, si on mettait un mode facile dans Dark Souls, ça dénaturerait les jeux et tout. C'est tout l'asbest. C'est ça. Mais pour le coup, il est super cool parce que à chaque fois, tu vois que c'est pas le même niveau. Hein. Lui, il les éclate à chaque rencontre. Il arrive à les battre alors qu'il est tout seul dans son TIE Fighter et qu'ils ont plein de vaisseaux. Enfin voilà quoi, il est pas là pour déconner. Et c'est un peu dommage en fait, à la fin il s'en va. Il revient plus. Pas ce qu'il passe, ouais. Il s'en va, il n'y a plus les Inquisiteurs parce qu'ils sont morts ceux-là, ils en renvoient pas d'autres. Comme dit, lui était venu pour Ahsoka, Ahsoka il pense qu'elle est morte, il a autre chose à foutre en fait. Ouais, c'est vrai. Et par contre, juste, je trouve que la présentation de Vra, l'aspect de Vador est fantastique et il est absolument terrifiant dans la série, il est magnifique. Oui. Il est super, toutes ses apparitions valent le coup, mais à 2000%. Oui, d'ailleurs, les enfants, ils ont pas vu tous les films, et du coup, grâce à Rebels, ils ont appris que... j'en avais déjà parlé, je leur avais fait croire que Anakin, il devenait Dark Patate, et que Dark Vador, c'était pas Anakin, mais du coup, tout s'est effondré en regardant le final de la saison 2 de Rebels. Ceci dit, des fois, ils l'appellent Dark Patate quand même, Anakin, donc ça me fait marrer. Mais ils ont eu, du coup, ils n'ont pas eu la révélation via « Je suis ton père » auprès de Luke, mais via Ahsoka qui révèle que c'était son ancien maître, Anakin. Bah, c'est beau aussi, hein. C'est pas le même... Ça a super bien marché, hein, pour le coup. Oui, ça marche. Surtout le grand, il était bouche bée, genre... Attends une seconde. Mais attends, mais c'était pas Dark Patate. Et oui, il a aussi les yeux rouges comme dans A New Hope. Ça, ils aiment bien lui mettre les yeux rouges, hein, pareil dans Rogue One. Et oui, le fait qu'ils soient un peu plus longilignes dans cette version-là, ça fait un peu plus effrayant. L'animation. Ouais, c'est moins bloqué aussi. ça fait moins brique qui a du mal à bouger ses membres, tu vois, ouais. Il est plus fluide. Clairement, lui, je ne ferais pas un câlin, tu vois. Du même genre, les animations avec sa cape quand il avance et tout. Enfin, vraiment, Dark Vador, il n'a jamais été aussi terrifiant. Ouais, je trouve fantastique. Et puis, à chaque fois, il y a un jeu de lumière, il y a un truc. C'est oui, vraiment, oui, toujours. Ouais, ouais, vraiment super soigné. Comme je disais, le plan où il descend et sur le TIE Fighter. Mais oui, oui, ça, c'est incroyable. Et comme dit, bah, aussi, le design est basé sur les croquis de Macquarie. Enfin, je vais essayer de retrouver un truc, une illustration, si tu veux. Sûrement déjà vu. Bushkov. Oui, oui, il a sûrement été déjà vu, mais c'est vraiment, c'est flagrant, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont gardé un détail de l'épisode 4. Dans l'épisode 4, le casque de Vador a des lentilles rouges, en fait. Oui, c'est ce qu'on. C'est ça a été corrigé après. Ah, pardon, et ben, je suis en train de penser à autre chose. Mais ça, c'est un petit détail que je trouve fantastique. Adrien et Matt, redire les trucs que j'ai dit juste avant. Oui. Parce qu'on le non, fait, je voulais dire à quel point je trouve le plan où il descend sur son TIE Fighter incroyable. Non, mais ça, c'est toi qui l'as dit, c'est bon, c'est pas. Oui, je sais, mais ça, c'était un blague. Oh, puis merde. Ok, mais est-ce qu'on l'a dit Vas-y, vas-y, dis-le. Je voudrais être sûr. Ah non, mais moi, je voulais juste demander si on l'avait dit. Dire quoi? Tu sais la façon dont Vador arrive sur son taille. Ah oui, la façon dont il arrive sur son taille, tu veux dire? Ouais, ça. Je veux dire, lentille rouge. Oui, voilà. Ouais, lentille rouge, incroyable. Et sinon, ouais, sinon Kadan, c'est quand même le papa. Hein. Ouais, un peu. Pardon, gauche. Il est parti, il en a marre. Non, je suis en train de récupérer ton image. Je faisais semblant d'être parti. Allez-y, meublez encore avec vos conneries. Ouais, est-ce qu'on a parlé des lentilles rouges sur le casque? Voilà. Là, ouais, je crois qu'on en a parlé. Ouais. Et du plan? Je vous mets le truc où il est un peu plus allongé. Il y en a deux. Je mets le suivant en dessous qui est très bien aussi. Mais tu fais la régie. Écoute, assume. Voilà, moi je pensais plus à celui-là, au deuxième. Oui, là, il est plus évident, ouais. Mais voilà, toute l'inspiration samouraï asiatique qui ressort beaucoup plus, hein, je trouve. Voilà, et puis du coup, on voit aussi justement l'aspect des images. Ouais, bah, je l'ai pris en grande résolution exprès, oui, et justement, on voit les sabres aussi qui ont un look qui est différent du résultat final de l'épisode 4 et qu'ils auraient utilisé dans Rebels. Ouais. Recadrage millénial. Ouais, c'est trop ça. Merci, ouais, Matt. Pour le coup, attention, spoiler, Mandalorian, si vous n'avez pas encore regardé les derniers épisodes, je vous mettrai fin du spoiler dans le chat. Bouchez-vous les oreilles. Pour le coup, là, sur l'image que tu as mise, il ressemble beaucoup plus le casque au Dark Troopers. Enfin, oui, c'est ce que je me disais aussi hier. Je suis désolé, j'étais aux toilettes quand vous en parliez, mais oui. Je trouvais aussi que ça ressemblait beaucoup à ce design-là. Ok, je mets fin des spoilers. Vas-y, mets-le dans le chat. Ok, et pendant ce temps-là, en fait, le truc que je disais par rapport à Vador et aux Inquisiteurs de la saison 2, c'est que eux, ils font pas trop avancer les personnages, à part Ahsoka, quoi. Mais Ahsoka, c'est un personnage secondaire. Par contre, qui est-ce qui arrive à la fin de la saison et change énormément le status quo de la série au niveau des relations entre les personnages? Bah, c'est lui, là, le mec torse-poil. Monsieur Maul. C'est Monsieur Maul. Maul. Qui est toujours vivant. Rassurez-vous, ça fait 50 ans que je vis tout seul sur cette planète. Que je bouffe des cailloux. Il a plus trop la banane, par contre, elle est restée sur Naboo. Ah, il est. Comment il fait pipi stylé. Et donc, ouais, Maul, c'est. Il s'autoproclame. Demi-Maul. Demi-Maul, putain. Comment il a jamais pensé? Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais tout le monde y a pensé avant, en fait. Mais non, mais nous, non. Mais je l'avais jamais formulé. Demi-Maul. Il dit tout bas ce que tout le monde pense. Non, c'est l'inverse, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bah, allez-y, alors. Ok, ok, vas-y, continue. Non, mais allez-y, pour de vrai, pour de vrai. À chaque fois, c'est tout le temps moi qui parle de tout, là. Il est beau, mais il est vieux. Il est pas vieux, n'importe quoi. Et par contre, j'ai pas... C'est là où, en fait, ben, je suis énervé qu'il n'y ait pas eu de suite à Solo, parce que vraiment, Maul, il n'a rien à voir avec le Maul qu'on voit en hologramme dans Solo, quoi. C'est... Ah bah oui, bah en fait, la dernière techniquement, donc dans Solo, la dernière fois qu'on le voit avant de voir qu'il est dans la... C'est un baron du crime, quoi. Qui est, ouais, c'est le baron du crime, le ouais. Chef de l'aube écarlate. Aube écarlate. Ça a mal tourné entre deux. Et ouais, ce qui est intéressant, c'est que son sabre, il est c'est un sabre cassé de... Inquisiteur, donc tu vois que c'est pour ça que l'autre est après lui d'ailleurs. Hein, il a déjà eu des soucis avec avec les autorités. Je savais pas ça. Si, en fait, le huitième frère, celui qui est sur Malachor, qui est déjà là quand ils arrivent, en fait, il est là pour chasser Maul, en fait. Mais putain, ils n'ont pas mis au courant dans le mémo que c'était un des mecs les plus dangereux de la galaxie. En fait, il a tué plusieurs autres inquisiteurs, fais gaffe. Et à l'époque, il s'est surnommé le tueur de Jedi, tu ferais attention. Hein. Ok. Et aussi, bon, bah, c'est le chef des Mandaloriens. Il a fait un putsch, il a pris possession de la planète, bon. Mais il est aussi vachement énervé contre l'empereur parce qu'il a buté son frère. Tu feras gaffe. Hein. ils ont pas mis à jour leur fiche. Hein. Clairement, ils ont pas eu toutes les infos. Les mais bon, il y a un vieux sur cette planète. Il y a un vieux gars. Il reste plus que la moitié. C'est bon, c'est plié en deux long. Heures. Ouais. Je cherche. C'est vrai que s'il y a un gars rancunier, quand même, c'est Maul. Ah ouais, bah oui. Mais c'est son moteur tout le long de sa vie, en fait. Je crois qu'on en a parlé un peu quand on parlait de Clone Wars saison 7. Oui. C'est, et de la force. De Silla, ah oui, non, quand on parlait de la force, oui. Oui. Cette saloperie. de la fin de Maul. Ouais, mais avant la fin, voilà, il a beaucoup d'interactions avec Ezra, et le mec il s'auto-proclame comme étant le maître d'Ezra. Il me fait toujours marrer. Oh, mon apprenti, et personne ne lui dit non. Hein. Tu dis pas non à Maul. C'est ça. Et il est tellement réussi dans cette série-là. Je l'ai pas assez vu dans Clone Wars pour l'instant, mais. Il est vraiment, enfin, c'est enfin un personnage et ça c'est un truc de ouf. Mais Sam Witwer y est pour beaucoup. Hein. Comment? Sam Witwer y est pour beaucoup. Il est en ligne d'ailleurs. Actuellement, je crois qu'il fait un stream. Oui, bah tout le temps. Ça va. Quelle voix, quel acting. Kenobi. Mais il a su, bah déjà dans Clone Wars et puis dans Rebels, il a su habiter le personnage, lui vraiment le. C'est top, quoi. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le revoir. Vide, hein. D'habiter une coquille vide, c'était pas si dur que ça, mais... Ouais, mais ça a été bien fait. Il le fait bien. Et voilà, il tente Ezra, il le pousse à utiliser un holocron Sith, et ça marche, en fait. Et à chaque fois, il sort des trucs. En fait, c'est un peu... Je l'ai pas mis dans le... Dans la liste, mais c'est un peu comme Mondo, mais vraiment côté obscur. Et en fait, les deux, à chaque fois, ils disent Viens faire nos magouilles à Ezra. Ezra, il fait Oui, j'arrive. Et à chaque fois, ça tourne mal. Ouais, il tire un peu sur le fait que Ezra, ce soit un ado et que du coup, il y a le. Ouais, sur le petit côté envie de pas faire tout ce qu'on lui. Enfin, de pas faire tout ce que ses figures parentales lui disent, on va dire. Oui, c'est ça. Et genre de se rebeller un peu, et du coup, il va direct aller écouter le mec chelou. Ça, c'est le tonton qui a pas. Voilà, si on regarde toujours dans la famille, en fait, c'est le tonton qui a fait un peu de tôle et tout, qui est sympa, mais tu sens qu'il traîne encore dans des sales bails. Le tonton anard, mais qui fait des espèces de. Comment ça s'appelle? Des riots. En fait, des émeutes. Oui, des cocktails Molotov. truc fait maison là dans son garage. Et oui, du coup, lui aussi, il a le droit de à faire son arc, mais pour le coup, contrairement à Ahsoka, où elle fait vraiment forcer, je trouve, en revoyant la série, elle fait très forcer dans la saison 2 par rapport à l'histoire, parce qu'en fait, Ahsoka et Vador, ils sont pas vraiment de connexion avec... avec Ezra ou avec Kanan, autre que d'être des utilisateurs de la Force. Maul, lui, non seulement il est lié à tout le monde, mais en plus, du coup, il peut avoir aussi son propre arc qui est, en fait, de chercher à retrouver Kenobi, parce que c'est un peu son... Le truc où il se dit, bah, c'est à cause de lui en fait que j'ai tout perdu. S'il m'avait pas coupé la bite, je serais toujours beaucoup plus fort avec mes zizi-chloriens, quoi. Et c'est à partir de là que... C'est le seul gars qui a réussi à se battre contre lui presque d'égal à égal et qui a réussi à le battre surtout parce qu'il est tellement doué en combat dans cet épisode-là sur Malachor. Le mec, il fait ce qu'il veut, quoi. Il se débarrasse des inquisiteurs, il blesse Kanan... Oui, j'ai oublié de le dire, mais du coup, c'est lui qui rend Kanan aveugle. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Enfin, on n'a pas dit explicitement, mais voilà, quand Ezra a le dos tourné, il donne un petit coup de sable dans la tête de Kanan et ça tourne mal. Et donc, il finit par... mais pourquoi ça veut pas le mettre ? Bon, bah, je suis désolé, l'image que j'ai prise, elle veut pas se mettre dans le... Tu l'as bien mise tout en haut ? Non, en fait, c'est pas un bon format de fichier. mais voilà, et il finit grâce à l'aide d'Ezra, qui lui cherche ses propres trucs, en fait, par trouver que Kenobi, il est sur Tatooine. Il le trouve pas sur Tatooine, alors il fait appel à Ezra. Ezra, il le trouve à sa place. J'ai dit, hein, à chaque fois qu'il appelle Ezra, Ezra il fait oui, j'arrive. On va essayer de lui faire à l'envers. Non. C'est pas comme ça que ça marche, Ezra. Et il finit par mourir. My parents aren't home, come on. et il finit en fait par partir en paix, en fait, dans les bras de Kenobi, qui était en fait censé être son ennemi juré. Et dans un des meilleurs duels de la saga, de toute la saga. Quelle fin, fantastique. Et ça me fait toujours trop rire que ça trigger les Dude Bros. Genre... Bah, quoi, ça aussi ? Oh, mais t'étais pas là à l'époque, mec. Oh, c'était tellement... Comment ça a pu les trigger ? C'est la meilleure fin ? Ils sont... tellement collé. Mais parce que c'est pas un vrai duel, parce que ils se donnent que deux coups. Mais il y a pas besoin. Mais tout est là en fait. Bah, tu sais, ils sont pas contents que Luke il se batte pas vraiment contre Kylo. Enfin. Ils voulaient Duel of the Fate, ces connards, je suis sûr. Mais oui, c'est pour ça que c'est hilarant qu'ils mettent tout le temps cette putain de musique partout. C'est parce que eux ils veulent tout le temps des combats qui durent 120 ans et. Sauf que c'est pas comme ça que c'est tout le temps censé se passer. Je veux dire, c'est bien de temps en temps. Mais là, ça n'avait aucun sens parce que c'est plus les mêmes personnages. Et parce que voilà, les personnages, ils évoluent. Et même Maul, qui est un personnage secondaire, qui était mort dès la fin du premier film, il est revenu et il a eu le droit d'avoir son propre arc. Pas vraiment de rédemption, parce qu'il reste quand même du côté obscur tout du long, mais au moins, il finit par trouver la paix. Oui. Et ça, au final, ça donne un des meilleurs moments de non seulement de Maul, mais aussi de Obi-Wan. Ouais. Qui le tue, en fait, presque par pitié, en fait. Mais il a pas le choix, c'est soit ça, soit... C'est ça, en fait. Maul se suicide presque, il lui laisse pas le choix, ouais. En fait. Et pour... Enfin... par les coups qui se mettent, enfin, je sais plus, c'est Obi-Wan prend la pose de Qui-Gon, je crois, à ce moment-là, non, la si, posture c'est ça, de Qui-Gon. C'est ça. Il prend la posture de Qui-Gon, l'autre et, qui fait, et, okay, et Maul, en plus, lui fait le même coup qu'il a fait à Qui-Gon. Ouais, c'est à ça, Obi-Wan, en fait, il se mind trick tous les deux, sauf que bah, c'est Obi-Wan qui avait. Maul, c'est ce qu'il fait à ce moment-là. Il sait qu'il a pas. Enfin, voilà, il devait en arriver là, en fait. Et c'est une petite scène touchante entre deux personnages qui ont une longue histoire. C'est-à-dire, Maul, il a tué le seul amour d'Obi-Wan et son maître. Je pense même que Maul, il cherchait absolument Obi-Wan parce qu'il voulait qu'Obi-Wan finisse. Oui, c'est ça, qu'il finisse ce qu'il avait commencé. Parce que lui, il avait aucune raison de vivre à partir du moment où Anakin est devenu Dark Vador. Il était terrifié et il était juste. Bah, ça a toujours été que sa rage et sa solitude qui ont été son moteur, quoi. Et du coup, le gars, il voulait juste une fin. Et je pense que ce qu'il s'est dit, c'était bien de finir avec la seule personne qui avait réussi à le battre sans le prendre en traite, tu vois. Et du coup, c'est beau, c'est poétique. Il s'est dit, bon, c'est le seul qui mérite de me porter le coup fatal parce que moi, j'aurais pas le courage de le faire moi-même. Voilà, et donc lui, il est dans la fin de la saison 2 et dans la saison 3. Mais dans la saison 3, il n'y a pas que lui. Et non, il y a quelqu'un d'autre. Alors, je suis désolé, Tuki était en mode thirst. Heureusement, ça va changer parce que là, au lieu de thirster sur un mec tout rouge, il va thirster sur un mec tout bleu. Matt, d'où est-ce qu'il vient ce personnage? Il vient de l'univers étendu, légende de l'ancien univers étendu. C'est le grand amiral Thrawn ou Thrawn, ou tu Mitronodindong. Mitronuorodo. Non, Mitronodindong. Mitronodindong, voilà. C'est beaucoup mieux. Mais voilà, c'est un personnage qui apparaissait dans des romans écrits par Timothy Zahn, qui a eu la chance de reprendre son personnage et d'en faire autre chose dans le nouveau canon par la suite, mais qui a été réintroduit dans Rebels, du coup, pour la première fois dans le nouveau canon. En tout cas, dans l'ancien canon, c'était le seul non-humain gradé, même simplement faisant partie de la marine impériale, parce qu'il était très intelligent. C'est sa grande caractéristique, c'est qu'il a un très gros cerveau. Il est très intelligent. Et en fait, sa spécialité, c'était d'étudier les cultures non humaines, enfin les différentes cultures de la galaxie, notamment parmi les factions, parmi les rebelles, en fait, les différentes espèces des rebelles, pour déterminer quelle stratégie, quel comportement ils allaient adopter et du coup avoir plusieurs coups d'avance. C'était ça, son grand truc. Et cette spécificité-là, ils l'ont conservée en allant un peu plus loin maintenant aussi. Il était déjà amateur d'art. Quand tu dis qu'il étudie l'art aussi des cultures. Oui. Quand tu dis qu'ils vont un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à un moment, on le voit se battre en débardeur, quoi. Voilà. Important. C'est très important à souligner. Mais là, il est amateur d'art, mais du coup, il prend ce qui l'arrange. Enfin, il n'est pas du genre à rendre les trucs à leur propriétaire. Il fait un peu comme les musées français, il ne va pas rendre les œuvres d'art aux cultures dont elles viennent, mais il se sert, mais voilà, il étudie l'art des cultures ou la culture des cultures, je me perds tout seul, pour en déterminer comment ils vont se comporter sur le champ de bataille, et c'est pour ça qu'il est un super grand amiral, trop balèze, super intelligent. C'est et, un stan de Sabine et Hera aussi. Hein, beaucoup. C'est trop cool. Aussi. Et ils ont fait un personnage, enfin, ils l'ont étoffé dans Rebels, ils ont conservé toutes ses caractéristiques, ils en ont fait une autre histoire, du coup, dans Rebels, ils l'ont introduit dans ce nouveau canon, et ils l'ont rendu en plus terrifiant, parce que maintenant, il est aussi très froid et très calculateur, et il peut être vraiment cruel par moment également. Et c'est devient, un excellent méchant. Il devient le méchant principal. L'antagoniste principal, ouais. C'est ça, effectivement. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est joué par Lars Mikkelsen, qui est le frère de Mads Mikkelsen, qui joue Galen Erso dans Rogue One. Voilà. C'est rigolo. Voilà. Les deux frères ont joué dans la série. Et tous les deux, ils ont des gros cerveaux, ouais. Chacun à sa manière, quoi. Ce qui est bien avec lui, c'est que c'est pas un méchant dans le sens, je suis, c'est ma rage qui me pousse et puis j'ai juste envie de tuer tout le monde. C'est juste, il est tellement fan de stratégie militaire, le mec il joue à risque mais en live, tu vois. C'est ça. Non, et en mode difficile. Et du coup, le gars, ce qui le pousse, c'est juste étudier les stratégies militaires, les mettre en place et les voir réussir. C'est pas genre oh, j'ai envie de buter les gens parce que il a un agenda clairement, mais lui c'est un stratège, enfin lui il fait la guerre parce que c'est son rôle quelque part. Bon, après dans les bouquins on sait qu'il a l'agenda à plus grande échelle encore derrière, mais basiquement il est là parce que on l'envoie résoudre le problème dans le coin, mais il est justement il essaie de résoudre le problème froidement, il est pas il réagit pas par colère ou par haine, c'est vraiment, il est là pour faire le taf, quoi. En tout cas au début, parce qu'il vraiment, il perd un peu son sang-froid. Ouais. C'est les meilleurs moments, hein, quand il craque. C'est moi, ouf. Moi, mon moment préféré, je l'ai revu avec les enfants il y a pas longtemps, là. C'est quand Sabine et Ezra volent le TIE Defender et il y a Ezra qui se casse la gueule et tout, c'est une catastrophe. Et lui, il regarde juste, il fait intéressant. Et c'est vraiment, il me fait trop rire. Et puis en fait, la situation et les comportements. Et il y a vraiment, c'est ça qui est cool, c'est que il est, tu peux vraiment, ils font vraiment de tout avec lui. Ils font un peu, oh là là, je suis un méchant. Et puis des fois, il est compatissant. Des fois, il est même curieux. Et des fois, il est juste effaré. les bons moments aussi, c'est quand il s'avoue entre guillemets vaincu. À un moment donné, quand il lui renvoie le droïde piège, il y a je déteste ces droïdes, en plus je les trouve super chiants. Espèce de droïde protocolaire, mais il est farci d'explosifs, le machin. Il a envoyé avec une sonde sur la base des rebelles, et ils arrivent à lui renvoyer le droïde et qui explose dans un destroyer. C'est un beau plan d'ailleurs, mais à ce moment-là, bon, il admet que c'est de bonne guerre et qu'ils ont été plus malins que lui. Enfin, je trouve ça, enfin, voilà, c'est toujours aussi super classe de voir qu'il est vraiment dans ce mindset de c'est la guerre, mais c'est un jeu, un gros jeu pour lui finalement. Quoi. Ouais. Et lui, c'est celui-là qui sera le plus malin. Il est tellement serious business que c'est le mec, il a tout le temps de l'orgue avec lui et tout, quoi. Attention, je suis un méchant. Il a son opéra qui le suit partout où il va, tu sais. T'as le gars qui est super stratège, qui prévoit tout et tout, et puis à un moment, il se retrouve sur la nouvelle planète, la rébellion, et puis t'as un nuage qui parle, qui commence à attaquer tout le monde. Le gars, et puis il a le destroyer le plus pimp de la galaxie aussi. Hein, faut pas oublier. Le plus joli, tu veux dire? Oui. C'est ça. D'ailleurs, c'est avec lui qu'ils arrivent, les Interdictors, je crois aussi. Non ? C'est à partir de la saison 3, non ? C'est pas impossible également. C'est, oui. C'est pas lui qui commence à les utiliser pour bloquer les rebelles. Je sais plus. Les Interdictors sont aussi des. Qu'est-ce que tu nous as mis, Matt ? C'est pour Funeli. pour Tiki, pardon. Ah ouais, parce que moi. Oui, non, mais tu qui. Pardon. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et justement, il y a Floby One qui dit dans le chat alors, ok, Throne est un génie, mais il y a tellement de moments dans la série où il perd et qui dit oui, mais c'est cette défaite qui nous permettra de gagner la prochaine fois, sauf que ça n'arrive jamais, mais c'est justement parce que il a pas un grand truc que Ezra développe beaucoup dans les deux dernières saisons, c'est le lien avec la nature, en fait. Et parce qu'il est très froid, très calculateur, et il considère pas vraiment tout ce qui est en dehors, en fait, tout ce qui n'est pas censé, en fait, enfin, tu vois, il est très dans les probabilités, les trucs comme ça. Oui. Mais il calcule beaucoup, il est pas dans l'instinct. Il pense forme d'instinct, mais... Il pense pas forcément des choses auxquelles Ezra, avec son expérience propre et sa façon de voir l'univers, va penser beaucoup plus facilement, en fait. Et il crève à cause de... Il perd à cause... deux fois à cause de la nature, en fait. À la fin de la saison 3 et à la fin de la saison 4. À chaque fois, c'est à cause d'un élément... Alors, dans la saison 3, c'est causé par Kanan, mais dans la... enfin, c'est un élément naturel qui vient et qui lui met des bâtons dans les roues. Et cet élément naturel, à la fin de la saison 3, c'est Emmanuel Macron, ni de gauche ni de droite, ce qui veut dire de droite, le Bendou. Belle transition. T'as vu ça ? Je t'aime. T'as vu ça ? On pouvait pas faire mieux. Vraiment, tu m'épates. Et le Bendou, qu'est-ce que c'est ? C'est un être... personnage de Warcraft, apparemment. C'est un être très lié à la force qui se considère ni du côté obscur, ni du côté lumineux. Et vraiment, maintenant, on sait exactement ce que ça veut dire. En fait, c'est aussi un des thèmes de la série hein, qui représente, c'est que si tu prends pas de parti, en fait, ben, c'est comme si tu prenais le parti du méchant, en fait, de l'oppresseur. C'est parce que tu laisses le statu quo, en fait, qui ne convient à personne, mais tu le laisses continuer. Et donc, t'es complice, en fait, des conneries que, enfin, des atrocités même que peuvent commettre les méchants. Et d'ailleurs le moment où il décide d'agir, c'est pas pour protéger les gens comme Kanan lui demande, mais c'est pour botter le cul de Kanan parce que Kanan lui a dit d'agir. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les centristes aussi. Ils vont dire ouais, moi je suis ni de gauche ni de droite, mais à chaque fois qu'ils vont se mettre à dire vraiment ce qu'ils pensent, en fait ils vont dire la même chose que les gens de droite, voire d'extrême droite en fait. Et je sais pas si c'était voulu à la base, mais ça marche super bien comme analogie, et c'est pour ça que je le déteste aussi, c'est parce qu'il fonctionne bien, en fait. Moi, je l'adore dans le fait qu'il soit complètement détestable, hein, j'ai déjà dit du bien de lui, mais c'est du personnage en tant que tel qui, moi, me fascine, parce que ce qu'il représente, politiquement parlant... Et aussi le doublage de Tom Baker, qui est l'un des docteurs, l'un des vieux docteurs de Doctor Who, qui est incroyable, le doublage est parfait. Puis il y a quand même Sabine qui s'assoit dessus, c'est pareil. Oui. C'est vrai. Tu sais, c'est le truc de Maître Gims, là, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit, Funny, c'est j'aimerais devenir le Bendou. Oh god, I wish that were me. Et vraiment, raison de plus de Stan Sabine, hein, elle s'assoit sur les vieux cons. Et voilà, enfin, je sais pas ce que vous en pensez de ce truc-là, de lui qui représente ce truc de pas vouloir agir, et en fait, le seul moment où t'agis, c'est pour t'attaquer à ceux qui ont besoin d'aide, en fait. Ah bah, moi, je trouve pas que c'est très bien, et en plus, c'est pivot pour Kanan, parce que, comme on le disait aussi plus tôt dans le chat, Kanan, il n'était pas du tout à fond sur les idées de Hera, parce que pour lui, il préférait se mettre à l'abri et tout ça, et il voulait pas s'engager dans la rébellion autant que Hera était impliquée. Et en fait, il se retrouve face à la posture extrême de ce qu'il aurait pu être, c'est-à-dire te cacher loin de tout et pas prendre parti. Et là, il se rend compte que bah, non, c'est de la merde. Et c'est à partir de là où il est beaucoup plus du coup investi et il soutient beaucoup plus Hera en mode « Ouais, ok, t'as raison, en fait, faut se battre. » Voilà. Et les autres, vous dites rien du tout. Rien du tout. Non, bah... j'aime bien ça. Pas le personnage en soi, mais vraiment tout ce qui est autour, cet arc, en fait, au final, ça marche super bien. En plus, on a un final dantesque avec Thrawn, avec le Bendou, tout le monde se met sur la gueule, c'est apocalyptique. c'est vraiment sympa. J'aime bien le. C'est pas un antagoniste, c'en est un, c'en est pas un. Il est ambivalent, c'est assez cool, je trouve. Dans Star Wars, ça change. Il dit à Thrawn comment il va finir la série, c'est-à-dire entouré de centaines de bras froids qui l'entoureront, et c'est exactement ce qui arrive à la fin, sauf que les bras, c'est des bras de Purgil, quoi. Ouais, c'est les bras. Mind blown. Tu sais, on regardait ce passage où où il dit à Throne ce truc-là, là, je vois ta fin arriver comme autant de bras froids qui t'en serrent. D'ailleurs, Throne a l'air terrifié à ce moment-là. C'est terrifié et piste en mode, pourquoi il y a un nuage qui me dit ça? Et t'as Grushkov qui fait, tu sais que c'est exactement ce qui se passe, vu que bah, il se fait enserrer par les Purgils. Mais je te l'ai pas spoilé que c'était comme ça que ça finit. Non, c'est la deuxième fois qu'on l'a vu que tu m'as dit ça. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'on l'avait re-regardé. Je savais déjà comment ça finit. Incroyable, je suis si intelligent. C'est peut-être moi, Throne, en fait. Gros cerveau. Mais c'est vrai que ils arrivent à pas faire en sorte qu'ils soient genre ah oui, je suis le gros cerveau, contrairement au livre, mais alors ça, c'est un autre... toute une autre histoire. Surtout à partir du deuxième. Ouais, la différence, c'est que là, on le voit surtout du point de vue des protagonistes, quoi. C'est vrai. Mais il va y avoir des nouveaux livres sur lui, sur sa jeunesse, qui ont l'air... On a déjà un qui est sorti. Oui, ça... Il faut que je le lise. Oui, on n'a pas... Je sais plus si tu l'as dit, Matt, que c'était un Chiss, et du coup, il vient des régions inconnues. Ça, je ne l'ai pas précisé, non, effectivement. Oui, donc il vient des régions inconnues. Alors ça, c'était déjà canon à l'époque. Ouais. Du coup, bah, en fait, bon, évitez de spoiler les bouquins, mais il vient de ces régions-là et il passe des choses. Et là, on a une série de bouquins qui commence à sortir. C'est une trilogie apparemment sur plus centrée sur lui et ce qui s'y passe là-bas, plutôt que sur les galaxies que l'on connaît mieux. Et donc, Throne, c'est vraiment l'ennemi jusqu'à la fin. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas un ennemi jusqu'à la fin, alors qu'il l'est dès le début. On en a parlé tout à l'heure, c'est l'agent Kallus. C'est le monsieur Rouflaquette. C'est le monsieur Rouflaquette qui a génocidé les Asat. Alors pour le coup, Sabine, elle ne se pas dessus, par contre, Zeb. mais c'est ouf, en plus. Il est 100% gay, de toute façon. Et Kallus, donc, après avoir été un antagoniste pendant très longtemps, il finit par... je sais plus ce qui lui fait changer d'avis. Bah c'est Zeb. T'es sûr que c'est en fait, dès ce moment-là ou si c'est pas avant? Ouais. Bah, avant il se pose des questions, mais même Zeb, il comprend avec Zeb qu'en fait c'est de la merde et que en fait sa phase de rédemption elle commence vraiment quand il parle à Zeb et qu'il dit justement bah en fait l'arme, parce que Zeb en gros lui dit bah putain t'as ton arme et tout. C'est de la putain d'appropriation culturelle, t'as pas le droit de faire ça. Et en fait, Kallus, il lui dit, bah ouais, mais en fait, c'est le soldat d'Assad que j'ai combattu et qui a tenu à me le donner après que je l'ai vaincu, quoi. Ouais, et c'est là qu'en fait, on a ce magnifique moment Obi-Wan où en fait, oh, un certain point de vue. et du coup, ils doivent céder, oui, voilà, ils sont coincés sur cette planète-là. Qui, d'après Laïn, serait la même planète, enfin la même lune où Din se crache dans la saison 2, l'iceberg géant. Là. Une des lunes de Geonosis, oui. Ouais. Une lune glacée. Et du coup, ils doivent s'entraider malgré tout pour se sortir de là. Et à la fin de l'épisode, ils sont potes. Mais c'est trop drôle parce qu'à chaque fois, après ça, dès que ça parle de Kallus, tu vois que Zeb, il est un peu gêné et tout. Genre, okay. En fait, ils se découvrent d'abord en respect mutuel de guerrier, en fait. C'est surtout ça, c'est... Ils s'estiment mutuellement, mais plutôt en tant que guerrier, avant de comprendre que finalement il n'y a pas forcément de raison de se mettre sur la gueule, et etc. Ouais. Quoi. Et Zeb, juste lui... un gros crush l'un sur l'autre. à la fin de cet épisode-là, Zeb il lui propose même de venir directement dans le ghost, hein, c'est dire comment. Oui, il propose de faire défection. Ouais. Mais il décide de rester et il devient le nouveau Fulcrum. Tellement bien comme idée. Oh, oui. Voilà. Très donc, bonne idée. Pendant une saison et demie, il est en train de leur donner des informations et de les aider à s'enfuir à un moment. C'est vraiment super, super cool. Plus ça va, plus il en a rien à foutre de l'Empire. Jusqu'à vraiment complètement partir et devenir Hot Kallus. J'ai pas pris de... Je suis désolé, T'as pas pris de capture de Hot Kallus, qui est l'indignité. C'est rigolo parce que ça, tu trouves très vite hein, quand même, Odcalus. Oh non, pourquoi elle est minuscule celle-là? Il est beau hein, quand même. Hein. Ah, il y a un moment où il se bat contre les Stormtroopers là. Dans l'ascenseur. Avec la petite mèche. Ouais, ah ouais. La petite mèche, elle est bleue un peu. Et il a ouais. Un beurre noir, il y a cette petite mèche. Attendez, je vais vous la mettre, celle-là, parce que... Mais pour le coup, c'est vraiment un super arc, un super personnage, au final. J'ai beaucoup aimé son évolution, c'est fantastique. Et du coup, il rejoint, donc, d'un côté personnel... Il finit par lui-même se... Enfin, lui-même, je veux dire, il vit pas bien le fait d'avoir participé à un génocide, et grâce à Zeb, il finit par se pardonner, et d'autant plus que, à la fin de la série, Zeb l'emmène sur l'Irasan, la planète où il y a tous les autres Lazat qui sont toujours vivants, et qui vont bien, et qui l'accueillent et qui célèbrent leur mariage à Zeb et lui, quoi. En plus, c'est trop mignon comment il se fait emmener sur la planète des Lassat. Genre, t'as Zeb qui lui cache les yeux pendant tout le trajet. Mais oui, oui, mais oui. Ses yeux, là, c'est trop mignon. 100% c'est un coup. Non, mais c'est dans l'une de miel, en fait, c'est ça. C'est ça. Chao de 28 dans le chat qui me dit c'est ce qui est bien que Calus, c'est que la série nous rappelle que les rebelles ne viennent pas de nulle part. C'est beaucoup d'anciens soldats de l'Empire, donc c'est à la base comme des criminels de guerre, même si c'est rare de ne pas faire des crimes pendant la guerre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens impériaux dans la rébellion, et que, le pardon, du coup, c'est une question centrale de la rébellion elle-même, et c'est vrai que c'est souvent esquivé dans les œuvres qu'il y a autour. Non, c'est clairement ça, effectivement. Ouais, dans les films, ils préfèrent les faire mourir. Voilà. C'est l'art qui est bon, que la rédemption, c'est pas forcément tu meurs et tu te sacrifies pour sauver quelqu'un. En plus, c'est que ça. Regarde, Riposte, c'est un des personnages, c'est ça. C'est entièrement de la rédemption, c'est un ancien impérial. Il y a plein de énormément d'œuvres, même dans le nouveau canon, du coup, il y a cette thématique-là, et c'est vrai que c'est pas assez exploité. Un exemple, c'est qu'on a Wedge. Lui, il fait défection avant de faire quoi que ce soit. Il est dans l'académie, il n'a pas encore tiré sur un seul mec en face. Il démissionne déjà, il se barre déjà, donc il est pur. Mais c'est vrai que ça manque, et au final, c'est cool d'avoir Calus qui, dans ce cas-là, et le pardon devrait être mieux traité dans certains films. Alors, Flobby One, alors pour ça, je te conseille la trilogie, enfin le dernier est pas sorti, mais Alphabet Squadron, pour voir des rebelles qui partent du côté de l'Empire. Ouais. Ah, les connards de collabo, putain. Et c'est... Oh, mais c'est tout un truc. Et ça, du coup, ça fait qu'on arrive un petit peu à la fin de la série. Alors, il y a... La série, vraiment, la fin, c'est juste une longue fin de la deuxième moitié de la saison 4, en fait. Hein. Ça commence avec la mort de Kanan, et ça va jusqu'au bout. Et il y a plein de gens qui reviennent les aider. Même Hondo, il a droit, après deux séries, tu souffles du nez dans ton micro. C'est quoi qu'on entend là? T'as Hondo qui revient après tout Clone Wars et tout Rebels, qui rejoint les rebelles sur la fin. On en a pas trop parlé, mais oui, il est souvent là. Pareil, il est très beau. Il a un chéri en plus. Ouais, un Ugnaught en plus. Ouais, pas qui parle comme pas comme. Bon, il s'appelle. Pas comme Quill. Quill, voilà, merci. Punaise. Ouais. Et Ah, punaise, bah du coup, je me suis perdu en cherchant le nom de Quill. Bravo. Bah voilà, il y a plein de monde qui revient, et parmi tous les trucs qui reviennent, justement, Ezra, enfin, ils ont un plan, c'est de faire partir de l'Otal la base... la base... des impériales en la faisant s'envoler et exploser dans le ciel, chose qu'ils font. Mais le problème, c'est que voilà, l'autre, il a un gros cerveau, alors il les empêche de le faire trop facilement. Alors il se met à tirer sur les sur les civils, enfin c'est vraiment un gros enfoiré. Hein. Je parle de Thrawn, hein, évidemment. Et sauf que il n'avait pas pensé, comme je disais, à ce que pouvait faire Ezra. Et Ezra, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les Purrgil. Et qu'est-ce que c'est les Purrgil, Matt? Des baleines de l'espace. Non, c'est pas ça. Alors honnêtement, tu pouvais pas mieux résumer la chose. Hein. C'est exactement ça. C'est des baleines de l'espace, mais qui peuvent aussi voyager par hyperespace. Ouais. Qui ont un petit peu des. En buvant du gaz. Un peu comme des sèches, tu sais, les tentacules. Ouais, c'est ça. Et c'est des bras. Et ouais, ils boivent du gaz. À un moment, il les rencontrait dans une saison précédente. C'était un moment où Hera, en plus, elle était genre trop vénère parce qu'elle les détestait. C'est eux qui save the day à la fin. Et en fait, tu te rends compte, en plus, dans l'épisode final, que ceux qu'on avait vus avant, c'était pas les plus gros. Il y en a des gigantesques qui arrivent et qui bousillent la flotte de Thrawn. Et l'histoire se finit sur Ezra qui est dans le Star Destroyer de Thrawn en train de le tenir et qui part en hyperespace avec les Purrgil. Et il y a l'épilogue. Qui veut parler de l'épilogue? Déjà, c'est Sabine qui raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ils ont gagné et l'Empire, en fait, ils sont jamais revenus à essayer de reprendre la planète. Ouais, je suis claqué de ouf. tu veux que je prenne le relais pour la fin? Déjà, on sait du coup qu'elle a échappé à la purge, Mando. Ouais, vu qu'elle était sur l'Otal, en fait. Ouais, c'est pratique. Ça. D'ailleurs, c'est... En fait, ce qui est intéressant avec cette fin de série, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est elle qui a un crush sur Ezra. Genre, maintenant, on est tous les deux plus vieux et tout. Enfin, oui, il y a des trucs bizarres. Non, pas un crush, c'est juste que, genre, c'est un pote. C'est elle veut la famille. Son pote. C'est son frère, presque. Hein. Mais c'est son frère, oui. Ouais. Mais je le voyais comme ça. Enfin, il est parti, il faut le ramener, quoi. Oui, puis voilà. Donc, ça fait 6 ans qu'il s'inquiète, voilà, quoi. Non, tu n'as le droit de ne t'inquiéter que pour tes love interest. Les autres, c'est interdit. Non, mais je parle pas de ça. Je parle de plusieurs interactions qu'ils ont dans la dernière saison. Mais voilà, c'est bon, arrêtez de me bully, là. qui raconte donc que, voilà, Zeb, il a emmené Kallus en lune de miel. Bébou. Et Hera a eu un bébé et a aussi participé à la bataille d'Andorre avec Rex. On n'en a pas parlé, mais il y a des clones. Hein. Mais j'avais vraiment la flemme de les mettre dedans. Même s'il y a un super épisode par rapport à la guerre des clones. Oui, on les a oubliés, les clones. Non, je les ai pas oubliés, je les ai pas mis parce qu'il y avait déjà trop de trucs. Oui, on fera peut-être des épisodes dédiés à certains thèmes en particulier, plus courts et plus centrés éventuellement à l'avenir. Mais J'ai l'impression qu'on a parlé de plein de trucs. Hein. Non, mais il y a plein de trucs. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. On fera peut-être plusieurs autres trucs sur Rebels, mais là, je voulais parler des personnages principaux. D'ailleurs, en parlant de Purrgil et de Sabine, vous saviez qu'à la fin, elle s'est dessinée une Purrgil sur une de ses épaules. Oui. Bah, je peux peut-être vous trouver l'image. Je l'ai. J'avais pas vu. Ah, cool. Trop mignon. Mais ouais, c'est ça, sur son armure, de l'épilogue, sur une de ses épaules, déjà on voit bien la couleur, et ouais, c'est ça, c'est un dessin de Purrgil. C'est adorable. Je me souviens de ces détails, ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui aimait pas la fin de la série. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui font partie de ces gens-là? Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi. Oui, qu'on sache qui bannir, comme ça. Non, mais ouais, principalement par rapport au Purrgil. Ouais, d'un côté, elle a le symbole rebelle, de l'autre, elle a le truc. D'ailleurs, elle a encore changé son armure. Je crois qu'elle change 3 fois la couleur de son armure pendant. Ouais, et là, c'est pas que la couleur, c'est aussi les plaques qui ont changé en partie. Et la coiffure aussi, elle se coupe carrément les cheveux entièrement à la fin. Elle est super cool, presque. Ça lui va bien d'ailleurs. Oui. Ouais. Au violet. Tout lui va bien, c'est incroyable. Si ça vous amuse les coupes de cheveux de Sabine, chopez l'Art of sur les Rebels. Il y a plein de coupes de cheveux qui n'ont pas été retenues pour la série. Ça, c'est cool. Il y avait un side cut de prévu et plein de trucs. Allez. Mais ça, c'est pas étonnant. Hein. Dès qu'il y a un personnage lesbien, de lesbienne. Il y a un concept art où elle a une chemise à carreaux dans Leroy Merlin, j'ai pas compris non plus. non, c'était juste une photo de funélie. Ah, pardon. dans le chat, il y a Numa qui demande est-ce que Sabine pourrait avoir fait de la Purgil son signé comme le Mudhorn pour le Mandalorian. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, pour le Mandalorian, c'est particulier parce que ça fait qu'en fait, il devient son propre clan, en fait. C'est pour signifier son clan, alors que elle en a déjà un, techniquement. Elle, c'est plus ce qu'elle utilise comme motif sur son armure. Ça tient plus des trucs qui l'ont marqué, je pense. Il y a une saison où elle a un convoi aussi. Oui. Sur les épaules. Ouais. Dans voilà. Notre monde, elle aurait le drapeau trans, tu sais. Ouais. elle est super cool, ça, son armure de fin, là. Je suis... qu'on la voit pas plus. Le casque aussi, je viens de réaliser, il est très très cool. Il a toujours à peu près les mêmes formes dessus, mais la peinture un peu plus sombre et tout, c'est vachement cool. Et du coup, allez-y, dites-le à ma place. Moi, je peux le dire parce que moi j'aime beaucoup. Vas-y, je cherche l'image pendant ce temps-là. On voit donc en gros, Sabine nous raconte. La fin vraiment de la guerre de Lothal et aussi eh bien de on n'a pas parlé de Jason voilà. Par contre ah je pensais que c'était ça que tu voulais non j'ai oublié tu as raison mais j'ai juste oublié de parler de Jason juste avant. Ok bah je pensais que c'est ça que tu voulais que je dise en fait. Ah mais vas-y parle de Jason vas-y. Ah et donc en gros voilà elle nous parle donc au passé en disant que voilà Hera Rex et compagnie ont combattu pendant la guerre d'Endor, donc à la guerre de la fin de l'épisode 6. Et donc, en fait, elle dit aussi qu'il y a eu un nouveau membre de l'équipage et que c'était Spectre 7. Et là, on voit un enfant de 3 à 4 ans. Et du coup, vous devez le chercher. Qui est donc assis à côté de sa maman Hera. Et donc, en fait, voilà, c'est le fils de Hera et de Kanan. Qui, apparemment, d'après Dave Filoni lui-même, ils l'ont fait quand elle était droguée, là, après qu'il l'ait sauvée quand elle se faisait torturer. Alors, c'est vachement moins fun. Oui, tu as eu le temps. What the fuck. Non, mais c'est trop bizarre. Il dit, ouais, c'est. Ou alors, c'est quand il l'a sauvée avec la force, ça l'a foutu enceinte. Tu sais, il l'a regardé droit dans les yeux et tu sais, c'est le regard qui rend enceinte. Non, mais... Vas-y, ils sont cons. Non mais après. Non, je pense qu'elle était déjà enceinte avant. Sinon, ça n'a pas de sens. Quand est-ce qu'ils ont pu niquer quand ils faisaient les chauves-souris? Ouais, c'est ça. Non, mais ça remonte à avant. Sur la chauve-souris, ils le faisaient. Bon, alors c'est bon, je vous en ai trouvé une. Et nous, on aime bien se moquer de lui, mais en vrai. Il est mignon. Ah non, vous aimez bien vous moquer de lui, moi je l'adore, hein, Jason. Genre, t'as jamais participé. Je ne me prononce pas. Non, mais vraiment, je déconne pas, Jason, quand je l'ai vu, la première fois, moche, hein. Alors j'étais pas encore dans la délire de la communauté et tout, j'étais vraiment loin d'être le fan que je suis aujourd'hui, mais ça commençait à arriver, et vraiment, j'étais trop content. On dirait un PNJ nul dans Zelda. Non, mais comme, oh, voilà, mais PNJ nul est en merde. Non, mais il est adorable, il déconne pas. Non, vraiment... Bébé, c'est le fils de... Non, mais je suis d'accord, mais avouons que le design est random. Voilà, c'est tout. C'est toi qui es ton design qui est random, là. Moi, j'ai déjà eu les cheveux. Moi, je trouve ça cool qu'il ait les cheveux verts, mais son visage, il est un peu cringe. Et du coup, Sherwood, oui, c'est possible qu'il ait un enfant. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, dans The Clone Wars. Ouais, avec des clones. Par contre, ils sont toujours moches. Ouais, mais différemment. Matt, rendez-vous derrière le parking du Carrefour. Mais nous, on a le droit de dire ça parce qu'on a des enfants, donc on sait. Adrien, est-ce que tu ne sens pas en train de demander la bagarre? Eh ben, c'est parfaitement. Oh, zut. Mais c'est vrai qu'il ne tient pas beaucoup de sa mère, le pauvre. Les cheveux, la couleur. Les cheveux, ouais. Ah, ça aurait été bien que j'ai une sa mère. que de son père. C'est vraiment un mélange des deux, quoi. Pas juste un humain avec des cheveux verts. Ça, c'est bizarre. Mais okay. Oh, punaise. J'ai pris une image beaucoup trop grande pour Ahsoka, mais toutes les autres, elles étaient trop petites. Bah, réduit. Ah, non, tu peux pas. Et voilà, il y a Ahsoka. Alors, Ahsoka, d'ailleurs, donc, qui est sauvée parce qu'il va dans le monde entre les mondes, on en reparlera plus tard, dans une autre émission. On avait parlé pour le truc sur la force, je crois, un petit peu, mais on en reparlera une autre fois, parce qu'il y a... il y en a pour des heures, encore, sinon. Ouais, et donc, Ahsoka, donc, elle se fait sauver la vie, et du coup, elle décide de pas revenir. Hein, alors, ce que je me demandais, c'est, est-ce qu'elle est jamais revenue avant ce moment-là? Où est-ce qu'elle est restée coincée sur Malachor? Parce que normalement, il n'y avait plus de transport pour partir de là-bas. Ah, ouais, moi, je pense que c'est ça. Déjà, je crois que tu te trompes parce qu'en fait, ça, c'est Gandalf le Blanc. Ouais. 100%. Elle a fait du stop. Sur Malachor, il n'y a pas grand monde qui passe, je t'avoue. Que... compliqué. Mais ouais, et du coup, avec... il y a un moment où Ahsoka, elle arrive à la fin. Vas-y, Adrien, vas-y. Il y a un moment où Ahsoka arrive à la fin et je vois pas ce que tu veux que je dise, on a tout dit en fait. Mais pourquoi elle revient? Pour aller chercher Ezra. Bah oui, voilà. Ça c'est un peu claqué du cul parce que je suis désolé, quand tu passes en hyperespace avec les fenêtres pétées, tu décèdes. Moi, j'aime beaucoup Ezra, mais là, déconne pas, le petit David avec son chapeau, là. Vraiment, tu peux pas survivre à ça, à moins d'avoir une grosse explication, je sais pas. Mais vraiment, si on retrouve Ezra et qu'Ezra est là, ouais, salut, ça va et tout, tranquille. L'explication, c'est ta gueule, c'est la force. Ouais, la force, je veux bien, tu vois. Mais la force, dans ce cas-là, pourquoi elle rend pas tout le monde immortel? On voit vraiment passer Ezra en vitesse lumière. Oui, bah, il est protégé par le cul des Purgil, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en fait, que tu sois protégé dans l'espace quelques secondes, comme lui, il a été protégé dans l'épisode de la raffinerie, je peux le comprendre, parce qu'il n'est pas en hyperespace. Lui et Thrawn, ils ont eu le temps de passer dans un couloir qui s'est repressurisé derrière, il y a les portes blindées partout. Mais Thrawn, il est avec. Mais non, mais il est avec, mais il est complètement bloqué contre les Purgil, contre la fenêtre. Il peut pas bouger. Je vois pas l'intérêt de les faire disparaître d'un coup si c'est pas pour les ramener plus tard. Surtout, il faut une explication. Clairement, le message que Ezra laisse à Sabine de « Je compte sur toi », c'est pour qu'elle vienne le retrouver. Mais d'ailleurs, ce qui me fait trop marrer, c'est qu'elle met 4 ans à comprendre. Oui. peut-être qu'elle avait des trucs plus importants à faire, tu vois. Oui, voilà, et puis après elle a réfléchi, puis elle s'est dit, peut-être qu'il veut que j'aille le chercher. En fait, elle a passé 4 ans à faire la fresque, puis après, il y a ce gars qui vient du carbo, peut-être qu'on y aille maintenant. Attends, j'ai pas dernier. Elle s'est levée un jour, elle s'est dit, il est toujours pas revenu. Oh, wait. Et voilà, et du coup, ça tease une série Ahsoka. Tu crois? Non. Mais vu la timeline dans laquelle on est, sûrement. Justement, qu'est-ce qui va se passer après? Où est passé Jason Syndulla dans la post-logie? Ou même dans la série Star Wars Resistance? Ça aurait été cool d'avoir la suite de ces personnages-là. Je trouve ça un peu dommage. Déjà en Aera, c'est déjà pas mal. Ouais. Peut-être spoiler Mandalorian, je sais pas, c'est pour un épisode qui est pas encore sorti, mais le prochain épisode s'appelle Le Jedi, et ça se trouve, en fait, il y a Ahsoka, et t'as Dean qui va y aller, il fait, ouais, on m'a dit que je devais trouver les Jedi pour ce bébé, elle va lui faire, je suis pas un Jedi, par contre, j'en connais un, et en fait, elle va l'emmener à... On va tous voir flou. Oh la vache. Ça serait trop cool. mais après, on la verrait plus jamais. Ouais, et après elle meurt. Ouais. Elle se sacrifie pour Ezra, puisque c'est lui qui l'a sauvée. Non, mais au pire, il la recaste, ça suffit, hein. C'est bon, calmez-vous. Ouais, mais ils font pas des recasts, hein. Avec Star Wars, j'ai l'impression. Comment ça? Moi, je ne vois pas faire jouer un personnage par un autre acteur, quoi. Mais c'est. de l'animation à la au live action, c'est pas la même chose, mon petit pépère. Oui, non, mais ce que dit, mais là, on est quasiment sûr qu'elle est castée Dawson pour le rôle. Ouais. Et Matt dit on la recaste au pire. Bah ouais. Mais comme dit Saito, en fait, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils avaient recast la voix de Leia de Résistance parce que elle avait fait un coming out aussi raciste. Bon. Bah, on verra, ouais. On verra bien ce qui se passe à l'avenir. Quoi. Là, tu n'auras pas le grand levier, mais il faut rien lâcher. Oui, faut ouais. Continuer. Ouais. Par contre, ce serait trop cool d'avoir Sabine en live action jouée par Tia Sirkar pour le coup, parce que ben ça va, elle ressemble ouais. Plus ou moins. Bien sûr. Et ce serait bien, ça mettrait un peu de diversité. Parce que finalement, des filles asiatiques de l'Est, on n'a pas eu beaucoup dans Star Wars. Pas beaucoup, tu veux dire zéro? Bah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, justement. Je réfléchissais, j'en vois pas, hein. Ouais. Acide des Pabi Daba, c'est tout. Ouais, vite fait, ouais. Et encore, c'est de loin, quoi. Bah ouais, récemment, on a eu Rose, on a eu Paige, on a eu... Ouais. Mais ça, c'est asiatique de plutôt de l'Est, tu vois. Oui, mais en fait, tout à l'heure, t'as dit Est, sans tu t'es trompé. Ah, pardon, je suis désolé, pardon. Non, je pensais d'Ouest, c'est genre plutôt Inde, tout ça. Oui, bah, je trouve que ça irait vachement bien à Hera, en vrai, d'être jouée par une Indienne ou... Oui, c'est vrai. Ou ouais. Une Pakistanaise ou quelqu'un, tu vois, de cette région. Tout ça pour dire que... Il y aura une suite, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et vous pensez que ça arrivera en live action, ou est-ce que ce sera en série animée toujours? Vu l'âge de la série maintenant, et que le public original de la série grandit, ça serait peut-être logique de le faire en live action. Ou alors une série pour adultes. Ouais, surtout vu les... pour adultes. Non, je pense pas qu'ils feront ça. Je pense qu'ils vont garder la distinction entre les deux. Garder ça dans un univers animé à côté, peut-être. Non, je parle de garder les trucs animés pour enfants. Ah oui, peut-être bien. En tout cas, moi, je pense que j'adore tous les personnages, j'adore Rebels. Donc, si tout le monde j'ai un bout de suite, je serais content. Ouais, j'aimerais bien voir une suite de Rebels. Clairement. Ouais. Ça fait des années qu'on Si c'est pas une suite directe, au moins que dans d'autres œuvres, on aille disperser comme ça des éléments. Quoi. Bah, c'est vraiment ce qui manquait à Resistance, hein, que tu as dit ça tout à l'heure, Grushkov. Hein, vraiment, en fait. Ahsoka, c'est ça qui manquait. Non, c'est pas Ahsoka qui manquait. Non, mais c'est là que tu vois que c'est la série dans laquelle il était moins impliqué, Filoni, parce qu'il a pas eu le temps de la mettre dedans. Non, mais tu regardes par exemple le taf que fait Poe dans Rebels, il aurait très bien pu être fait par Jason, tu vois. Parce oui, mais là, en fait. Oui, mais Poe servait de. Oui, non, mais oui, je oui, d'accroche, oui, oui. D'accroche à la oui, série, donc. Bien sûr, mais d'ailleurs, ce qui a causé sa perte, hein. Si vous voulez mon avis, si on n'a jamais eu la troisième saison de Resistance, parce que ça coûtait beaucoup trop cher, et dès la seconde saison, hop, on enlève tous les personnages des films, et surtout, on enlève les acteurs. C'est plus Gwendoline Christie qui double Phasma, c'est plus, enfin, tu vois, ils ont vraiment fait en sorte d'alléger la chose dans la saison 2 pour justement arrêter, parce qu'on a vu que ça leur coûtait beaucoup trop cher. Mais voilà, est-ce qu'ils ont pas annulé Résistance pour faire la suite de Rebels? Ah mais non, c'est pour faire Bad Batch, la série que tout le monde attend et que tout le monde adore. Oh putain. Putain, à chaque fois, et tu te rends compte, j'avais oublié là, hein, juste avant de le dire. Alors en vrai, on n'était pas chaud non plus pour The Mandalorian, mais là, on verra. Mais j'ai peur qu'ils... Parce non, que c'était vraiment, pas qu'on n'était pas chaud pour le Mandalorian, c'était qu'on y allait un peu à reculons. Là, c'est un peu pareil, hein. Mais au pire, moi, j'ai pas envie de regarder. Au pire, ça sera sympa sans plus. Au pire, ça sera les du bro, ils seront contents et puis ils casseront pas les couilles avec le reste. Je suis un peu idée. Tu sais qu'ils casseront toujours les couilles. Mais du bro, ils sont même pas contents parce que les du bro, ils ont pas aimé la fin de The Clone Wars parce que c'est Disney. Et du coup, ici, est-ce que vous avez ceux qui sont dans le chat, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous aimeriez voir avec ces personnages-là, un peu tous en fait. Est-ce qu'il y en a que vous voudriez revoir dans d'autres trucs, au-delà d'une suite en série ou des trucs comme ça, comme on fait un peu. Hein. Qui dit que tout le monde veut une série sur Enfys Nest. Oui. Ouais, mais du coup ça n'a rien à voir. Oui, de ouf. Mais de tu ouf. Sais que c'est trop drôle parce que j'y pense tous les jours. Et moi aussi. Ça me rend ouf. J'écoute la musique en boucle et je chante comme un connard les chœurs de sa musique. Et puis une suite de solo là avec Maul Dealer, enfin comment il s'appelle. Et moi j'aimerais bien qu'on parle de la suite de, enfin des personnages de Rebels en fait. S'il vous plaît. Sabine en saison 3 ou 4 du Mando, pourquoi pas en fait. Yes. Elle aurait totalement sa place. Parce que Bo-Katan peut faire la connexion, donc il n'y a pas de raison. Bah, en vrai, ouais, pour le futur, enfin, en vrai, ouais, vraiment, le côté futur de Mandalore, je verrais tellement Bo-Katan transmettre le flambeau à Sabine. Ça serait juste tellement bien. Imagine, en tout cas, ça serait sûrement un pitié, dans tous les cas. Et en fait, il n'y a pas du tout Ahsoka dans la saison, dans The Mandalorian, et quand il va là-bas, il rencontre Sabine. Il dit, oh non, mais elle est partie il y a longtemps, on n'a plus de nouvelles d'elle et tout, laisse tomber, on va faire la guerre. Sabine, mais jouée par Rosario Dawson. Comme ça, c'est pas oh, oh, putain, comment faire. Je quitte ce podcast. Non. mais non, pour le coup, moi je l'ai dit hier et je le redis ce soir. Je pense que, est-ce qu'on sait comment l'épisode s'appelle de la semaine prochaine de The Mandalorian, il s'appelle The Jedi. Oui. Et je suis persuadé que c'est pas Ahsoka Tano. C'est Ezra. Ben, ça non, peut être juste parce qu'il cherche c'est le Jason. Jedi. Est-ce que tu y crois autant que pour Illume Oui, et ben c'est quoi, oui, mais ce que je disais hier. Je me oui, foire à chaque fois que je fais des théories et tout. J'ai tout le temps tort comme un gros con, mais je m'en fous, je le fais quand même. Mais ouais, s'il y a tous les éléments là, il y a Ahsoka, Bo-Katan, le Darksaber, ce serait une grosse erreur de pas avoir Sabine. Vous savez quoi, Sabine elle devrait venir et prendre la place de Bo-Katan à la table. Exactement, de Sabine elle botte le cul de Gideon. Bo-Katan lui fait, t'avais dit il y a longtemps que c'était toi qui devais garder le sabre, et du coup Bo-Katan remet le sabre à Sabine, la boucle est bouclée, Sabine. Et elle s'embrasse. Ce qu'on n'a pas dit pour Sabine, c'est qu'elle se sentait pas elle se sentait pas les épaules aussi d'assumer le Darksaber. Ouais. Bah, je veux dire, elle est jeune, quoi. Fin... Oui, mais c'est compréhensible. Ouais, je dis pas que c'est une erreur de sa part, mais c'est juste qu'elle estimait que c'était pas le moment pour elle non plus d'hériter d'un tel poids, quoi. Non, c'est vrai que Syndulla, il est pas mort dans l'académie. C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Jason Syndulla, c'est un pilote comme sa mère, ok. Et un râleur comme son père. Non. C'est canon. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et effectivement, une suite à Rebels, est-ce qu'on aura vraiment une suite à Rebels? Non. C'est comme quand on pensait que Rebels, enfin, moi à l'époque, je pensais que Rebels, c'est la suite de The Clone Wars. Pas du tout. C'est comme quand on pensait. Un peu, que... tu vois, mais c'est juste. Pas vraiment, il y a des connexions, il y a des trucs qui se terminent On n'aura pas de suite réelle à Rebels, à mon avis. On aura peut-être une série centrée sur d'autres personnages avec des guests de Rebels qui viendront. Mais je pense pas qu'on aura Star Wars Rebels 2 ou un truc comme ça, quoi. En fait, le truc, c'est que c'est pas vraiment des suites, c'est juste que c'est des histoires qui se passent dans le même univers, donc voilà, forcément ça se croise. Alors moi, j'aimerais une série bien... avec d'autres personnages, une autre histoire, mais qui vont tomber par hasard sur Ezra et Thrawn qui sont encore en train de se mettre sur la gueule. Enfin, moi, j'aimerais moi, j'aimerais bien une série justement centrée sur Jason Syndulla qui va chez le coiffeur. Genre dans 15-20 ans après l'épisode 6, à une période en fait qu'on n'a absolument pas vue avant qu'il y ait le retour du premier ordre et tous ces trucs-là. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs super cool avec un nouveau crew. Hera, elle fait ses trucs dans son coin et son fils, il a piqué le ghost et il fait ses aventures dans son coin. Ça serait tellement bien. Avec Chopper, ce serait un moyen d'avoir Chopper et lui, et puis pas forcément les autres, quoi. Je pense que Zeb et Calus, ils reviendront jamais. Oui, ils viendront les voir en vacances. Je pense pas qu'on les reverra plus tard. Mais c'est Jason qui est en vacances, et Tonton. Et Ezra, ils vont faire un truc exprès en live action parce qu'il y a eu un super gros buzz par rapport à Raoul Colli. Et ça devient inévitable. Surtout qu'a priori, il avait déjà été en contact avec Lucasfilm avant de faire ce truc-là. Donc, ça se trouve, ils vont dire « Ouais, bah finalement, on change notre idée, tu vas devenir Ezra. » Ça serait bien, en vrai. Bah, ça dépend de l'histoire. Oui, oui, oui. Voilà, moi, j'ai dit ce que je pensais, mais ouais. Peut-être s'arrêter là, il est tard. Pour ma part aussi, ouais. Ouais, Ouais, c'était une très longue émission, on arrive aux 3 heures là. Waouh. Ouais, c'est compliqué, on se doutait que ça prendrait du temps. Ouais. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être autant bien structuré. Je trouve qu'on a plutôt bien géré. Ouais. C'est l'avantage d'avoir fait un plan avant. Ouais. Et on n'a pas parlé du coup de plein de trucs que j'ai mis de côté. Et la prochaine fois, on vous fera Rebels, mais plan par plan, épisode par épisode. Voilà, c'est ça. Alors, c'est... Pas, hein. c'est... Du coup, c'est pas un live, c'est un marathon. Ça. On va prendre un week-end entier. Ouais, peut-être que voilà, l'année prochaine, on fera une deuxième émission sur Rebels, parce que comme on a dit, il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore dit. Ou des petites émissions sur des petits éléments. Sur des thèmes particuliers. Par exemple, ouais. Le monde entre les mondes et pourquoi il ne sert à rien dans la... Dans la saison 4, ouais. À part ramener Ahsoka. Et je m'en étais pas rendu compte la première fois, mais. Pff, oui, pareil. C'est chaud, en fait. Finalement, quand j'ai vu la première fois la série, je me suis dit, ah, trop bien et tout. World Between Worlds, ça défonce. Et là, quand j'ai revu, je me suis dit, mais c'est de la merde, pourquoi ils ont fait ça? Peut-être qu'ils ramèneront Ben avec un jour. Enfin, dans l'idée, c'est sympa, mais au final, ça ne sert que à ramener Ahsoka. Et c'est, vous voyez, c'est ça le truc. J'adore Ahsoka, il est super le personnage. Mais c'est giga forcé. C'est forcé. Ouais. Même dans toutes ses présences dans la saison 2, elles sont, à quelques occasions, c'est super forcé. Son retour et le fait qu'elle ait survécu face à Vador, c'est forcé. Et en plus, c'est pas forcément le meilleur choix par rapport au personnage. Le fait qu'elle arrive dans le Mandalorian, bah, pour le coup, ils l'ont bien amené, mais. Ils auraient pu faire une série où elle apparaissait pas. Quand c'est elle qui ira dans le monde entre les mondes pour ramener Ben, tu la ramèneras moins. Hein, tu vois. Ouais, par contre, ça. Mais non, parce qu'elle est morte, je te rappelle. Mais non. Ben Solo, entre les mondes, t'inquiète pas. Si il revient, je te donnerai 100 balles. C'est quoi ? Ça se trouve, on parle mal de Kenny depuis le début et tout. En vrai, on aime bien. Mais en fait, le mec, il a prévu. Que Star Wars 9, ça allait être de la merde ici. Il faut que je mette un moyen dans une. Je vais comme plein de trucs. Allez, le World Between Worlds, on va faire ça. N'empêche, en plaçant ça, c'est vrai qu'il a mis un énorme joker pour plein de trucs. Oui, ouais, c'est ça, en fait. Constamment en vrai, ou pas, il a placé un truc qui peut potentiellement foutre un sacré zbeul. Vraiment, donc en fait, c'est pas si mal. J'ai pas amené le meilleur comme le pire, par contre. Oui, par contre, voilà, on n'est pas à l'abri de. Ramener encore Ahsoka. Oh putain, non, c'est pas. Surtout si elle est jouée pour Rosario Dawson, c'est vraiment qu'elle crève. Je veux pas c'est spécialement Ahsoka qui se ramène elle-même et du coup il y en a deux. En vrai, je veux pas qu'Ahsoka elle meure spécifiquement, juste qu'elle ait une fin en fait, qu'elle arrête de revenir dans tous les trucs. Et je sais que ça peut être difficile pour quelqu'un parce qu'il l'a créé avec George Lucas et tout, et du coup il y a un gros passif derrière, pareil. Enfin, pas pareil, non. Enfin. Je comprends pourquoi il y est autant accroché, mais. Bah, c'est quelque un part. Peu trop. Mais quelque en part, fait, c'est pas Ahsoka Millennial. Quelque part, même si l'épisode. Elle avec Hera et elles élèvent Jason. Quelque part, même si le prochain épisode, du coup, nous demandons, m'embête pour plein de raisons, mais je suis curieux de voir justement qu'est-ce que ça va apporter comme brique au personnage en plus et où Filoni veut aller avec. Est-ce qu'il la maintient juste en vie parce que c'est son perso, il veut pas le lâcher? Ou est-ce qu'il voit ça comme un perso qui traverse les différentes époques, une espèce de guide, entre guillemets, ou quelque chose? Je pense qu'il a une vision du quelque part, il y a un connoisseur avec elle, il y a un truc, je pense qu'il a une approche peut-être un peu mythologique du perso, il veut faire un truc avec, et j'espère qu'on aura quelques briques en plus pour voir ce qu'il veut faire, ou si c'est juste qu'il veut la caser partout parce qu'il l'aime bien et qu'il veut pas lâcher l'affaire. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est, comme tu dis... C'est un guide, et c'est vrai que la fin de Rebels te le montre, ça, avec le fait qu'elle ait une grande cape, enfin, qu'elle ait un bâton. C'est Gandalf, hein, il y a un bâton, C'est Gandalf le blanc, littéralement, quoi. Donc, c'est un perso particulier, au moins dans son esprit. Le mec, il voit ça d'une certaine façon, quoi. Et vraiment, si là on voit dans l'épisode que c'est une Jedi classique avec des sabres laser, tout ça, non, vraiment, il faut arrêter cette image de. Ouais. C'est terminé. Mais, tu sais, c'est enfin. Ça, par ses actions, à chaque fois, elle enclenche quelque chose. C'est elle, Fulcrum, au début, donc elle enclenche le mouvement de la rébellion d'une certaine façon aussi. Elle l'entraîne, en tout cas, elle l'aide. Après, voilà, il y a ce côté guide, machin. Il y a plein de. Je pense qu'il a une idée derrière la tête, mais ça met du temps à venir. Il faudrait que ça avance un peu de ce côté-là, quoi. Après, d'ailleurs, Filoni, il a tout appris de. Comment il s'appelle de... Lucas. Sur Lucas, ce serait bien que lui aussi prenne quelqu'un sous son aile. Sous son aile, autre que John Favreau, quoi. Vraiment quelqu'un d'autre qui pourrait assurer le même rôle que lui jeune, à l'avenir. Quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un qui ne soit pas un mec blanc. Ce serait cool. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. On aime bien les mecs blancs, hein. On en a plein là, dans le podcast. c'est juste, c'est bien d'avoir de la diversité, quoi. Et les temps changent et on en a besoin. Et en vrai, c'est vraiment à chaque fois que Rebelle, c'est vraiment une super série. Et j'aimerais bien voir ce que pourrait apporter d'autres gens aussi doués qu'a pu l'être Filoni. Peut-être que Carrie Beck, justement, celle qui est l'initiative de Rebels, qui a bossé ensuite sur Résistance, peut-être qu'il y a peut-être aussi un avenir là, derrière ça. Ouais, voilà. Au moins sur les séries animées, parce que visiblement, c'est son dada. Ben écoute, c'est le nôtre aussi. Enfin, je veux dire, regarde combien d'heures on a parlé de cette série. D'ailleurs, on peut le dire, c'est l'un des meilleurs Star Wars de l'ère Disney. Oui, voilà, c'était la question. Et du coup, est-ce que vous pensez, vous, que ce serait pas le meilleur Star Wars qui ait été fait Adrien ? Oui. Oui, complètement. Complètement. Funeli ? Ouais, je suis assez d'accord. Surtout qu'il y a Sabine, quoi. Non, mais attends, genre, c'est moi, tu vois. C'est... Déjà, je kiffe les Mandaloriens depuis que j'ai 11 ans, sans déconner. Trop mignon. Après, voilà, t'as 13 ans et demi maintenant. Et mais... aussi, ouais, voilà, c'est ça, tu as deviné mon âge, bravo. Ouais. Et je kiffe aussi le graffiti depuis que j'ai 11 ans. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi déjà ton jeu préféré? Jet Set Radio Futur. Il faut faire quoi là-dedans? Faire des graffitis, taper des keufs, voilà, des bons bails, quoi. Très bien, kiffe... décor, ça aussi. Donc voilà, c'est juste parfait, quoi. J'avoue, c'est vraiment ta série. dans le chat, Saito nous dit que Zeb, apparemment, il est évoqué dans Battlefront 2, donc il fait son bail dans son coin. Ça, je savais pas. Avec son chéri. Son bail, en fait, ça veut dire qu'il est en train de se marier. Ouais. Il est en train de quitter ce bâtiment dans des mines de glace, hein, t'inquiète pas, c'est pas... Et toi, Tuki, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui es allé vraiment à reculons, j'ai mis... Attends, il est sorti... C'est sorti en 2013 2014. En 2014, je l'ai vu avec mon bébé, notre bébé qui avait un an et demi. La saison 1 en VO, donc lui il s'en foutait, lui. Mais et toi, t'as pas voulu le voir avant cette année, quoi. Ouais. C'est alors, pas grave, Tuki a eu une Redemption Arc. oui, moi je suis d'accord avec lui. Et toi, Grushkov? Attends, il y a Matt d'abord. Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai oublié. Alors juste, Floby Wayne qui dit qu'il veut revoir le Gavian Death Gang dans Mandalorian, je suis pour, je veux bien les voir aussi. Moi je veux les voir pas partout. À la même époque, mais je veux les voir partout, ils sont trop bien, ce design est trop cool. D'ailleurs, ils sont dans le jeu VR que Tuki va faire jouer mercredi. Mais personne me laisse parler. Pardon, Doudou. Donc je refais. Si vous voulez voir le Gavian Death Gang, mercredi prochain, je ferai un live où je stream le jeu sur Galaxy's Edge en VR dans lequel ils sont. Et ce sont les principaux méchants, il me semble. Voilà, voilà. Et on a hâte de voir ça. Moi, je suis très curieux, j'adore ce design, ils sont trop cool. C'était cool de les voir dans Résistance, d'ailleurs. C'était quoi la question? Est-ce que c'est un des meilleurs Star Wars? Le meilleur Star Wars Ouais, je pense même, malgré la fin un peu ouverte sur Ezra Thrawn, je trouve qu'il est très satisfaisant. On s'attache beaucoup au personnage. Forcément, on a plus de temps pour développer que dans un film, ou même dans une trilogie. Oui, non, clairement, j'ai beaucoup aimé The Last Jedi, mais comme du coup il a pas de fin, c'est très frustrant. Je pense que Rebels est clairement le plus le plus satisfaisant et le plus ce que je préfère, c'est ce qui m'a remis le nez dans Star Wars simplement, donc oui, forcément j'ai un affect énorme et c'est très très bien. Ouais, bon, je pense qu'on du coup c'est magnifique, on est tous d'accord. Et je crois que Zimlut il est plus là, mais il faut qu'il qu'il regarde. On va le harceler pour qu'il regarde. Merci. Tous les jours. Merci énormément à tout le monde d'avoir été là avec nous, ça fait vraiment super plaisir. Surtout aussi longtemps. Vous avez ça a duré 3 heures de live, vous avez été là et vous avez été super, c'était trop cool de pouvoir discuter avec vous. Ça donne envie de faire encore plus de d'émissions comme ça en direct. En live. Ouais. En plus, il n'y a pas de montage comme ça. Hop. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en dit des conneries ? Eh oui. Et comme ça, c'est pas coupé. En vrai, ça va, on est sage par rapport à d'habitude. Oui, mais c'est parce qu'on est en public, justement. Parce qu'on est en live, justement. Ouais. Je suis Grushkov. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch. De toute façon, j'ai gardé l'outro que Matt a fait hier. Donc. D'ailleurs, j'ai dit sur Twitch au lieu de Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch aussi, du coup, mercredi prochain. Ouais, et tous les vendredis pour revenir sur les épisodes de Mandalorian à 21h. Voilà, et puis avec des Lego un jour aussi, quand le Mando sera passé, je pense, parce que ça fait beaucoup de live par semaine. Oui, trop hâte. Un dernier mot, tout le monde, ou pas ? Allez, chacun. Route. Adrien. On n'a pas parlé de Visago, moi j'aime bien Visago. Mais voilà. Ouais, je voulais en parler un moment, mais c'est tout un truc aussi. Visago. Mais ouais, oui, Visago, c'est le gentil. Des Varoniens. Ah oui, oui. Bon, on pourra revenir sur plein de trucs. Visago. Fini. Ouais. Moi je dis Sabine plus Ketsu. Voilà. Dont on n'a pas trop parlé non plus. Oui. Matt, il a déjà dit de la merde. Tuki. Quoi ? Non, je déconne, j'ai faim, j'ai envie de manger de la glace. Ok, d'accord, j'arrive. comment dire, Stan, Hera et Sabine, et que la force soit avec vous. Salut tout le monde. Gros bisous. Salut. Merci de venir.